receiving. Where's my head for you? I'm in deep, but I don't mind. I want them on my one of a kind. Oh. I got the keys to heaven now, bays all around, and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now, bays all around, and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now, bays all around, and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Jusqu'à 22h, il y a toute l'équipe de Love in Fun que vous allez retrouver dans un instant sur Fun Radio et on parle ensemble de techniques de drague un peu originales. Il y a Mélanie sur la page Facebook Mario Enzo qui dit moi un jour j'ai dit à un mec en boîte qu'il était gay et pour me prouver que non, il a dû m'embrasser et maintenant ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Déjà fait. C'est pas mal ça. Hein. Après, enfin moi si on me fait le coup, j'embrasse pas, j'en ai rien à foutre. Au pire, tu crois que je suis lesbienne et alors tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'il faut quand même en avoir un peu envie pour le faire. Oui, Thibaut. Une fois, j'ai fait une technique de drague dans un train. C'est qu'en gros, j'étais avec mon téléphone, tu vois, et je me suis dit, putain, à tout moment, se trouve, il y a des gens qui sont connectés en Bluetooth aussi. Donc, tu vois, je commence à me mettre comme ça, et j'arrive à me connecter avec un téléphone portable qui s'appelait Alexandra. C'était une meuf qui était genre 3 rangs devant. Et du coup, après, je fais, c'est toi, Alexandra et tout. Je me suis connecté au mauvais appareil. Et du coup, on a passé 3 heures à parler ensemble. Il faut avoir de la chance. Et puis, attention, on peut pas appeler ça la technique du train, parce que c'est juste la technique du Bluetooth. Non, c'est la technique du Bluetooth. Oui, oui. Aurélie nous a appelé à Saint-Etienne. Ça va, Aurélie? Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut. Bienvenue Aurélie, on est content d'avoir une fille qui va nous proposer une technique. J'espère qu'elle va être belle. Alors moi ma technique c'est en fait quand dans un bar il y a un mec qui me plaît, dès qu'il va aux toilettes je le suis. En fait je rentre carrément dans les toilettes des garçons en fait. Et je me dis ah pardon excuse-moi et tout. Tu fais caca, excuse. Et du coup, ou sinon, ben, j'attends, si je vois qu'il est rentré, j'attends qu'il ressorte. Et du coup, je dis, ah, pardon. Et du coup, ça permet de mettre un peu de dialogue. Et après, on se regarde, on se charrie. Et c'est vrai que ça installe un petit moment gênant qui finalement peut découler sur quelque chose. Mais bon, faut oser rentrer dans les toilettes des mecs quand même. C'est un peu. C'est dégueu parce que si toi, t'es un mec, tu fais ça, bah, tu passes pour un mec. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça marche pas dans les deux sens cette histoire. Hein. Non, et puis même, elle dit que Aurélie dit, je rentre dans les chiottes et après, ça installe un dialogue. Moi, une meuf qui me suit, qui vient directement dans les chiottes, il n'y a pas de dialogue. Je me dis direct, la meuf, elle me suit dans les toilettes, elle veut pas discuter. Non, mais de toute façon, elle te suit pas, elle a peut-être envie d'autre chose. Enfin, j'en sais rien, mais on n'est pas des sauvages, Pablo. Pablo, elle dit pas, enfin, les mecs voient pas qu'elle les suit, tu comprends? Bah, si, parce qu'une fois qu'elle les trouve, elles sont là, elle fait, oh, pardon. Bah oui, mais ça, elle aurait pu se tromper de toilette, ça arrive à tout le monde, tu vois. Non, mais arrête. Après, avec un sourire, tout passe dans la vie. Toi Pablo, il va falloir que tu t'y remettes parce que là tu fais un petit coup de moins bien. Présentez-moi des copines. Non, franchement, c'est une technique. Alors, si ça marche pour toi, tant mieux. Bon, je pense que tout le monde n'oserait pas la faire, mais ça, t'as déjà concrétisé? Oui, nickel. Après, on va boire un coup. Non, c'est sympa, franchement. Après, le lieu s'y prête aussi. Eh bien, félicitations. Franchement, continue comme ça sur l'autoroute de la drague. Finalement. Eh bien, merci en tout cas, Aurélie, d'avoir partagé ta technique avec nous, mon chat. De rien, passe une bonne soirée à tous. Bisous. Puis du coup, on espère qu'Aurélien, quand même, qui nous écoute et qui avait besoin de prendre confiance en lui, avait besoin d'un peu d'aide et de conseils, on espère qu'il aura trouvé peut-être de nouvelles méthodes, on sait jamais. Bah, c'est ça, et d'arrêter d'essayer de chiner des pauvres femmes qui cherchent du boulot. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Miss Univers pourrait arrêter de m'envoyer plein de textos là. Pablo, il se sent plus parce qu'elle l'a mentionné, Iris, dans sa story, donc ça y est. Non, mais je vous explique, il y a tous les mecs de Fun Radio là, qui bossent avec nous toute la journée qui sont là. Mais mec, mais c'est pas possible, t'es vraiment un connard et tout. Enfin, les gars, je vous arrête tout de suite. Hein. Elle l'a juste mentionné dans une story. Il va rien se passer comme plus jamais de leur vie. Enfin, tu vois, c'est même y a sûr. Pas de... Ça, c'est sûr. 22h pile, on va passer le relais à l'équipe de Love in Fun. Karel, Alice et Doc, bonsoir les chatons. Hello. Salut. Hello. Hi. Bonsoir. Salut. Les petits poulets, nous on va se retrouver demain en direct dès 20h sur Fun Radio. On vous souhaite une bonne émission les chatons. Et sachez que demain c'est Zara Larsson qui sera notre invité dès 20h en direct sur Fun Radio. Donc j'ai envie de vous dire, vous connectez partout, comme vous voulez, vous passez une tête, enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai, on est ensemble, Marion et Anso partout, et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne émission. Bisous les filles. Bisous. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Oui! Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Nous sommes mercredi soir. Et alors, je sais pas ce qui se passe. J'ai de plus en plus de feuilles pour commencer l'émission. J'ai l'impression que cette émission est de plus en plus travaillée. Non, mais c'est un truc de fou. Il va se passer plein de choses ce soir dans l'émission. Soyez là, restez bien avec nous pendant 2 heures. On passe 2 heures ensemble, tous ensemble sur Fun Radio, comme chaque soir du dimanche au jeudi, 22h minuit. C'est Love in Fun, c'est votre émission. Sachez qu'ici, tout est permis, ou presque. Hein, vous pouvez venir librement parler de vos problèmes, de vos fous rires, de vos joies, de vos peines. 01 42 48 5000. On est très heureux, bien sûr, de retrouver notre Doc. Bonsoir. Ça va, Doc? Oui, très bien. Ah, et toi? Ah, ça va bien. J'ai vu la fameuse Marie dont on parle depuis quelques temps. Oui. Doc, médecin, sexologue, et avec sa voisine avec qui voilà, il entretient une relation privilégiée. Mais je crois qu'il n'a encore rien fait. Et aujourd'hui, tu nous as presque fait partager une photo un peu officielle de votre union à tous les deux, puisque vous avez l'air collé serré avec Marie, ta voisine. Oui, il y avait quelqu'un qui prenait la photo. Et alors? Oui, il y a toujours quelqu'un qui prend la photo. C'était pas un selfie. Attends, Alice, tu as vu ce regard complice? Ah oui, c'était probablement le prêtre qui les a pris en photo. Ça devait être un jour très symbolique. C'est une photo de mariage. C'est à l'américaine, oui, c'est alors, ça. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit de poster cette photo, Doc? Allez. Non, parce que vous l'avez prise pour la radio ou pas? Marie, est-ce qu'elle accepterait qu'on poste la photo? Je crois que oui, mais je peux lui redemander. D'accord, lui demande pas trop. Mais elle a dit oui, a priori. On va vous poster cette photo. On la met où, Alice? On va la mettre sur le Facebook de Love in Fun directement. Allez, directement sur le Facebook de Love in Fun. Fallait pas montrer la photo, Doc. Ça, c'est sûr. Alors, vous allez voir la fameuse voisine de Doc, celle que Doc aimerait bien pécho là en ce moment. N'hésitez pas, ça va se passer sur le Facebook. Et je vous invite aussi à aller sur l'Instagram de Fun Radio, puisqu'on vous a posté une petite photo, n'est-ce pas, Alice? Oui, une petite photo de nous trois. Et on parle astrologie ce soir. On vous pose une question. Quel est votre signe astro, tout simplement? Donc, balancez-nous votre signe en commentaire et puis on fera un tirage au sort d'ici avant minuit pour vous envoyer un petit pack avec un sextoy Lelo, et ça fait plaisir. L'Instagram de Fun Radio, petite photo du trio de Love in Fun avec Doc, avec Alice, avec moi-même, et répondez en commentaire votre signe astrologique, sachant que Doc est vierge. Bien sûr. Moi, je suis poisson. Ça fait toujours étrange. Et Alice est bélier. Ouais. Ça ne m'étonne pas d'Alice, qu'elle soit bélier. Fonce dans le tas, Alice. Ouais, c'est vrai. Ça va, Cassim, le reproducteur? Ouais, très bien. T'es de quel signe, toi? Moi, je suis scorpion. Ouais, t'es pas du signe connard? Moi, je pique, moi. Toi, tu piques. Ouais, ça m'étonne pas. Et les scorpions, putain, sans déconner. Vous êtes tous comme ça, les scorpions? Je sais pas. J'en connais pas d'autres. Tu connais pas d'autres scorpions? Non. Alors, les gens, ils me disent, moi, je suis scorpion. Je dis, je m'en fous. Est-ce que c'est vrai que notre personnalité dépend de notre signe astrologique? Mais non. Franchement, moi j'ai l'impression que si, un peu quand même. Ouais. Parce que souvent, ça me semblerait étonnant que, parce qu'il y a 12 signes astrologiques, il y a 8 milliards de gens, donc ça veut dire qu'il y a 700 et quelques millions de gens qui ont strictement la même personnalité. Le scientifique de merde, ouais, sérieux, c'est trop rationnel. Non, mais c'est ça quoi. Bah, ouais, franchement, moi personnellement j'y crois pas de base, mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes, tu vois, sans spécialement faire attention. Moi je sais que toutes mes meilleures potes sont balance. Voilà. Écoutez, les balances, hein, envoyez-moi des DM, on est copines. Ah, n'hésitez pas, en tout cas, à nous dire quel est votre signe astrologique. On a Faisal, qui est notre auditeur du soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe, bonsoir Karel. Salut à toi. J'entends parler de toi depuis cet après-midi, parce que Coco du Standard, qui t'a sélectionné pour être l'auditeur du soir, n'arrive pas à prononcer ton prénom. Mais oui, le loser. On a énormément rigolé sur le prénom, il disait Faisal. En fait, c'est mon CCD sur mon prénom qui le dérangeait. Bah voilà. Il est limité, Coco. Alors que c'est tellement facile, tu t'appelles Faisal, voilà. C'est ça, exactement. Ah voilà, et tu sais quoi, c'est compliqué quand même, on va t'appeler Fafa. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Non, en fait, j'ai réussi à le... Qui m'appelle Fafa, quoi. C'est vrai, mon Fafa, sois le bienvenu ce soir sur Fun Radio. Fafa, tu vas faire de la libre antenne avec nous pendant 2 heures. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ça fait plaisir, hein, merci à tous. Hein. Bah, il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y a quelque chose dont t'aimerais parler, toi, ce soir dans l'émission, Fafa? Bah écoutez, ça fait un petit moment que je me pose une petite question et puis ça tombe très bien que je sois dans cette émission parce que je sais que vous faites la question à la con et j'ai une petite question à la con que je garde pour la petite séquence. Ok, carrément. Putain, et quand je vous ai dit que c'était préparé, il y a carrément une séquence qui est préparée avec Fofa qui nous posera sa question à la con. Eh ben, sois le bienvenu à toi. Et n'hésitez pas, vous aussi, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions à la con, à venir poser toutes les questions que vous voulez au 01 42 48 5000. Ce soir, on écoute quoi dans l'émission, Fofa? Bah écoutez, j'ai choisi un petit son que j'adore. Franchement, c'est mon petit son du moment, je le kiffe. C'est Bad Bunny et Drake. Mia. Tu fais quoi dans la vie, Fafa? Je suis DJ. Ah bah voilà, un et connaisseur. Et son qui en ce moment, voilà, c'est le top. Y a rien à dire. On est bien d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur Fun Radio. Hein. Ah bien sûr. Le nouveau Kygo, Happy Now, et puis Sigaolin. Avec Moonlight sur Fun Radio, n'hésitez pas, hein. Franchement, s'il y a un petit son que vous aimez bien là qui passe en ce moment sur Fun Radio, vous voulez l'entendre avant minuit, vous nous appelez au 01 42 48 5000. Quentin est avec nous, il est de Châteauroux. Bonsoir Quentin. Salut Karel, salut l'équipe, vous allez bien? Salut. Ça va bien, et toi Quentin, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, bon, sauf que je vous appelle pour un petit problème, donc écoutez, je suis un peu jaloux maladif et donc j'aimerais bien qu'on m'aide et en ce moment je suis en embrouille avec ma meuf, donc j'aimerais bien qu'on l'appelle et puis qu'on voie pour arranger les choses. Voilà, droit au but, hein, Quentin, il a tout expliqué en une phrase, ça fait plaisir, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est vrai. Et alors, Quentin, jaloux maladif, cette fille-là dont t'es plus avec, il va falloir quand même que tu nous expliques un petit peu, qu'est-ce qu'elle a été pour toi, pourquoi vous êtes plus ensemble. Ah, je suis encore avec. Hein. T'es encore avec. C'est juste que voilà, on est en embrouille depuis 3 jours et bah, parce qu'en fait ce week-end elle voulait sortir en soirée, donc et puis bon bah j'ai un peu de mal à accepter ça, surtout que je m'entends pas bien avec ses potes, donc du coup voilà. Pas confiance en toi, Quentin. Voilà, ça y est, ouais. T'as réglé le truc. Peut-être. Voilà, bah voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Il y en a plein qui ne le savent pas, que quand ils sont jaloux, en fait, c'est pas qu'ils ont pas confiance en la personne, c'est qu'ils ont pas confiance en eux, en fait. Doc. C'est ça, tout à fait. C'est parce que on n'a pas confiance en soi que on a peur que l'autre nous quitte pour tout et n'importe quoi, qu'elle parte avec le premier venu, qu'elle puisse faire des choses qui soient inconsidérées. Tout ça parce que on n'a pas confiance dans la valeur qu'on a pour la personne. Si tu avais vraiment confiance en toi et que tu saches bah non mais je sais que je suis son mec, voilà, enfin il y a aucun doute là-dessus, bah tu pourrais la laisser partir, tu pourrais la laisser aller en soirée, tu pourrais la laisser aller voir ses potes, même si ses potes tu les aimes pas, c'est pas tes potes à toi, c'est les siens, elle a le droit d'avoir les siens. Voilà, donc il s'agit de gagner en confiance en soi, parce que le problème de la jalousie c'est que souvent c'est un puits sans fond, c'est-à-dire que de toute façon si l'autre essaye de non mais je vais tout faire pour faire le mieux et que tu sois pas jaloux, de toute façon, tu vas toujours trouver quelque chose qui fera que tu le seras encore plus. Donc là, elle a décidé. Décidé quoi, Quentin? Là, elle a rien décidé d'arrêter. Si vous voulez, en fait, le seul problème, c'est que du coup, enfin moi, ça m'agace. Ça fait 3 jours qu'on est en embrouille. C'est pas la première fois. Et donc, à force, voilà, moi, j'ai peur que ça casse à cause de ça. Et donc, je veux changer les choses. D'accord, donc là c'est, t'as l'intention de changer, parce que Alice, c'est facile de dire qu'on va changer. Mais c'est atroce à vivre, franchement, de quelqu'un de jaloux. Non seulement il y a le côté confiance en soi, mais des fois c'est aussi de l'ego et de la fierté mal placée, quoi. Genre juste par rapport au regard des autres, je suis fière, j'ai pas envie que mes potes ou d'autres personnes voient ma meuf sans moi. Tu vois, des fois on est un peu fière et on est con finalement quand on est comme ça. Mais moi, sortir avec quelqu'un de, enfin, un jaloux excessif, franchement, je pourrais pas. Tu pourrais pas. Et puis t'as ça te pousse finalement à t'éloigner de cette personne. T'es tellement oppressé que t'as encore plus besoin justement de souffler avec des copines et d'avoir des soirées toute seule, quoi. Oui, souvent, ce qui arrive, c'est que à force, ça crée le truc dont t'as peur. C'est-à-dire que quand on est jaloux, on dit oui, mais je suis sûr que tu me trompes ou j'ai peur que tu me trompes, etc. Mais à force de mettre un couvercle sur quelqu'un et de croire partout, tout le temps, que elle est en train de te tromper ou que elle s'en va ou qu'elle te quitte, bah, ça finit par arriver. Ça veut dire que tu fais tout pour que ça finisse par arriver. D'accord. Bah ouais, mais le truc, c'est que je veux absolument pas que ça s'arrête. Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on est, enfin, pas aujourd'hui, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et voilà, ça m'embêterait vraiment que ça se finisse pour ça. Ok. Bah, est-ce qu'on va faire, Quentin? C'est que t'as envie de t'excuser ce soir, et elle écoute un peu l'émission ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Bon, bah, parfait. Comme ça, elle sera pas au courant que t'es en ce moment à l'antenne. On lui dira, par contre, Quentin, au bout d'un moment, hein. Nous, tu sais, on dit toujours la vérité. Hein. D'accord? Oui, pas de soucis. Ok. Et on va être là pour t'aider et surtout savoir, elle, comment est-ce qu'elle vit ça, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, hein, si on vous a déjà fait des crises de jalousie un peu débiles. Parce qu'on est souvent débiles quand on est jaloux, hein. Ouais. Ça va un petit peu de pair. Est-ce qu'on vous a déjà vraiment pris la tête pour un truc complètement ridicule? Qui a déjà été en couple avec une personne ultra jalouse? Venez nous dire là au standard 01 42 48 5000. On va revenir avec Z, Happy Now. Et surtout, on va appeler ta copine, Quentin, dans un instant. Ouais, pas de soucis. Ouais, t'as ton petit cœur qui bat, ça s'entend. Restez avec nous, on revient sur Fun Radio, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Vous gagnez votre iPhone XS. C'est le double fun sur Fun Radio. Margot, je vais te poser une seule question. Qu'est-ce que tu viens d'entendre sur l'antenne de Fun Radio? Je viens d'entendre le double fun avec Zed et DJ Snake. Margot, en direct de Toulouse, je t'offre le nouvel iPhone XS. Oui. Mais c'est énorme, j'y crois pas. C'est un rêve, quoi, l'iPhone 10. Eh ben, c'est pour toi, ça coûte plus de 1000 balles. Oh là là, merci, frère. C'est le double fun, double fun, avec Zed et DJ Snake. Non Fun Radio. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I just to see fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my feels. Friendships only pass by, show up though like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. À minuit, 0,42,48,5000. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Love in Fun. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. Alors, on est depuis quelques minutes avec Quentin. Quentin qui est jaloux, maladif. Hein, et ça, c'est le meilleur moyen de foutre sa relation en l'air. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Pour toi, mon Quentin, qui nous appelle de Châteauroux. C'est ça, et c'est ce que je veux absolument éviter. Donc on va essayer de régler ça ensemble. Alors, bah oui, alors, j'adore Quentin, il est cash. On va régler ça ensemble, alors je compte sur vous. Soyez bons, parce que sinon, hein, je vais aller écouter une autre radio. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, Quentin, tu nous fais confiance, et nous aussi on te fait confiance. Là, l'idée, c'est voilà, d'expliquer à ta chérie que tu as compris que tu avais un vrai souci avec ça. Je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller voir quelqu'un, un professionnel, pour régler aussi ça. Hein. Ça existe, Doc. Tout à fait, oui. Quand on est jaloux, c'est une maladie. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est de la jalousie maladive. Est-ce que toi, Quentin, par exemple, tu fouilles dans les affaires, le portable, enfin, tout ça ? Dans le portable, ouais. Ouais, bon, voilà. Voilà, ça, quand... ça c'est, si tu t'arrêtes pas avant ça, c'est mauvais parce que tu vas aller trop loin, tu vas toujours aller trop loin. Donc voilà, tu peux te faire aider. Faut pas avoir de honte à se faire aider un certain temps. On part pas pour 15 ans de psychanalyse, hein, mais. Ouais, non, et voilà. Après, enfin, si t'as besoin, faut que tu verras si tu sens le besoin. Quentin, on y va, on appelle ta chérie, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Laurine. D'accord, on l'appelle, c'est parti. Allô ? Oui, Laurine ? Oui. Ouais, bah écoute, voilà. Je t'appelle, je t'explique, en gros, on est sur Fun Radio. Voilà, je t'appelle parce que tu sais pertinemment que je suis jaloux maladif et je veux changer les choses et je veux qu'on arrête de se prendre la tête pour des broutilles et tout ça. Tu te fous de ma gueule, tu fais ça sur la radio ? Oui. Non mais t'es pas sérieux, j'ai content quand même. Si si, et là tout le monde t'entend. Voilà, mais... et puis tu voulais une preuve que je t'aime, bah voilà, je te le dis devant la France entière, Laurine, je t'aime et je veux pas que ça s'arrête pour des conneries pareilles. Et je te promets que je vais faire des efforts pour ça. J'ai jamais dit que je voulais que ça s'arrête non plus. Mais c'est juste que c'est ton comportement qui est horrible. Moi, je sais pas si tu te rends compte. Bah si, justement, je me rends compte. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bah, je sais bien, mais j'ai jamais dit que je voulais plus être avec toi. Je veux que tu réalises un peu qu'au niveau de ton comportement, c'est vraiment du rêve, je t'assure. Ben, je comprends bien, mais c'est pour ça que je te dis, je vais tout faire pour changer. D'accord. Bonsoir, Laurine. Bonsoir, non mais... Bonsoir, Laurine. On te réveille ou t'as la tête dans le cul, là ? Non, c'est pas ça, j'ai la voix cassée. T'as la voix un petit peu cassée. D'accord, ok. Bon, alors, Laurine, est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu plus fort dans le téléphone ? Ça va être compliqué, hein, je vous assure. Parce que plus je parle fort, plus ça déraille. Ah, la pauvre, elle est malade en plus, Laurine. Bon, alors, voilà, Quentin nous a appelé dans Love in Fun. Tu connais l'émission ou pas ? Bah oui, je connais. Ah bah voilà, et bah c'est nous. Voilà, moi je m'appelle Karel, il y a Doc, Alice. Salut. Salut. Et on a parlé un petit peu avec ton mec, qui nous a expliqué que bah voilà, il avait un gros souci de jalousie maladive. Toi, comment est-ce que tu vis ça, Laurine? C'est quoi le dernier exemple en date qui t'a vraiment énervé, par exemple, toi? Le dernier exemple, c'est toujours le même, j'ai envie de dire, c'est que je veux sortir avec ma meilleure amie. Voilà, j'ai 19 ans, je pense que je suis à un stade de ma vie où j'ai le droit de sortir pour aller m'amuser, pour décompresser des études, du travail, pour aller m'amuser, danser, et lui m'en empêche. Donc ce qui fait que je me prive de sortie. Juste parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes derrière. Alors, donc, tu ne sors pas, c'est-à-dire que tu fais ce qu'il te demande. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'espère vraiment, Laurine, que tu vas le quitter s'il change pas. Parce que, je sais pas si t'es d'accord avec ça, Alice, mais Laurine, elle s'empêche de vivre, quoi. Ah, mais c'est totalement. Ça. Et en plus de ça, plus tu vas aller dans son sens, plus il va grappiller du terrain en te demandant encore des choses. Et puis, ça va rien aider ni pour lui, ni pour toi, et ça va juste détruire votre relation. Il faut vraiment que tu l'entendes. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je suis arrivée à un stade où, à un moment donné, je dis stop parce que, à force, c'est vraiment pénible. Ah oui, t'as raison. Il faut vraiment que toi, tu fasses ce que tu dis que t'as envie de faire. C'est important que tu ne te laisses pas faire. Essayez de le faire comprendre. Oui, il entend. Bah oui. Il est là et il entend. Donc, on lui a déjà parlé aussi, avant, hein. Sache-le quand même. C'est important que toi, tu ne te laisses pas faire. Et quand tu dis, moi je veux sortir avec ma meilleure amie, tu sors avec ta meilleure amie. Parce que si tu lui donnes... C'est ce que je vais faire. Voilà. C'est ce que je vais faire. Non, mais parce que comme là, je t'entends dire que effectivement, t'es pas sorti pour pas avoir de problème. Ça. Non, oui, il y a des moments où oui, ben, il faut je refuse des invitations ou autre. Il faut pas. Parce que du coup, j'ai pas envie non plus d'avoir la guerre de l'autre côté et de pourrir ma soirée. Il faut vraiment que toi tu fasses ce que t'as envie de faire parce que c'est en toute et liberté et confiance. Il doit apprendre petit à petit à avoir confiance en toi. Voilà, tu rentres à la maison, tu reviens, il s'est rien passé, tout va bien, etc. Et il fera ses crises tout seul. Je ne suis pas comme ça quand même, mais il le sait. Ouais, il le sait. Il l'entend, mais pour l'instant, il n'a pas changé. Sauf que là, il a quand même, a priori, pris conscience que ça allait trop loin et que ça débordait. Et donc, il a appelé, en faisant son mea culpa, pour t'appeler aussi et pour te dire qu'il t'aime et qu'il a envie de changer, ce qui est quand même une bonne chose. Je le sais, bien sûr, mais au bout d'un moment, essayez de vous mettre à ma place. Hein, ah oui, oui, à force, complètement. C'est pénible. Je sais exactement ce que c'est la jalousie maladive, et c'est vraiment un enfer à vivre au quotidien, ça c'est clair. C'est pour ça que. Ah oui, non, mais même il y a des fois, je lui dis d'aller voir un psy, en forme de pourcent. Mais oui, ouais. C'est une bonne idée. Et il t'en a perdu ta voix. Alors, elle a même plus de voix, Laurine. Non, mais c'est. Fafa, notre auditeur du. Bah, bien sûr, voilà. Elle est en train de mourir, Quentin, si tu continues. Fafa! Fafa. Oui, je suis là. Ah bah, oui. Fafa, je veux ton avis, Fafa. Écoute, faut vraiment que Laurine elle arrête de se mettre dans cet état. Faut que vraiment elle profite un peu et que après, faut vraiment aussi que notre jeune homme, je ne sais plus son prénom. Quentin, tu suis pas l'émission en fait, Fafa. Qu'est-ce que tu fais Attention, t'as une mission, hein. Tu dois tout écouter, Fafa. Non, j'écoute tout, absolument. Non, j'avais juste un petit trou de mémoire sur le prénom. En tout cas, notre Quentin, faut vraiment qu'il se repose les bonnes questions. Faut vraiment que, en tout cas, il se dise que s'il continue comme ça, il va perdre sa copine. Parce que moi, c'est le cas pour un ami à moi. Il a perdu sa copine à cause de sa jalousie maladive. Tout à fait. Bah, voilà. Mais en général, le jaloux maladif va dire oui, mais c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que vraiment, ça sort tout seul. Et ils ont énormément de mal à se contrôler. Donc, il faut aller travailler la confiance en soi et voir d'où ça vient. Et en général, effectivement, c'est avec une petite thérapie quand même. Hein, Quentin ? Oui, écoutez, on va essayer, on va faire le maximum pour que ça se passe bien. Hop. Attends, j'ai l'impression d'entendre mon fils. On va pas essayer, on va le faire. Sérieux, tu fais tes devoirs. Je vais essayer de faire le maximum, papa. Attends, je vais essayer de faire le maximum, sans déconner. Il a 7 ans, mon fils, attention, Quentin. Attention. Oh, tu sais, entre 7 et 20, il n'y a pas grande différence. Ah il y a juste 13 ans, quand même. Alors, Quentin, on compte sur toi, en tout cas. Le message est passé et... là aussi, on fera une petite mage, hein, comment on appelle ça. On te rappellera, Laurine, d'accord? Oui, mais bon, je veux dire, vous me rappelez, vous faites ce que vous voulez, mais je suis encore je garde quand même mes positions. Hein. C'est pas parce qu'il m'a appelé et qu'il me fait passer à la radio sur Fun Radio que ça va changer quoi que ce soit. Ah bah t'as raison. On t'appelle pas pour que tu changes d'avis. Au contraire. On t'appelle juste pour avoir ta version des faits et qu'il acte ça et que tu sois là pour l'entendre. C'est tout. Mais si c'était ça, il aurait pu m'appeler. Ah oui, non mais tu comprends qu'il avait quoi. C'est pareil. Ah oui. Il voulait faire les choses en grand. Ah bien sûr, tu connais oui, Quentin. Oui. Il a besoin de ça. Il veut du spectaculaire. Il veut du Fun Radio, du son dance floor. Hein bon, oui. Et... je veux de la France. Oui, il veut le marquer sur il veut le faire marquer. C'est un jour qui est différent. Voilà, c'est un jour où il veut commencer à changer. Bon, voilà. C'est bien. Voilà, c'est comme le jour où j'arrête de fumer. Hein. Ça fait des années que je vis ce jour. Voilà. Non mais c'est ça. Tu vois, à un moment donné, c'est beau de parler, mais il faut passer à l'acte, quoi. Oui, non mais tout à fait. C'est pour ça que. Non mais c'était pas pour toi, Laurie, non plus. C'était pour Quentin. Hein. C'est à lui de se bouger. Hein, Quentin, tu bouges ton cul. Ça va. Bouge le cul. Ça va. Je vais passer à l'acte. Ok. Eh ben, on te souhaite bon courage en tout cas. Vendredi soir, j'ai le droit de sortir et tu m'embêtes pas. Oui. Voilà. Attends, c'est pas ça, c'est pas oui, c'est oui ma chérie, et vas-y, profite et éclate-toi. Amuse-toi bien, ouais, grave. Vas-y Quentin. Eh ben alors oui ma chérie, ressors vendredi, éclate-toi. Et fais-toi plein de mecs. Mais n'importe quoi. Non, vas-y. Non, mais non, pas à ce point-là. Ah non, pas à ce point-là. Ah, il y aura juste un petit bisou. Allez, ça c'est bon ça. Mais un truc pas mal, c'est de rigoler des crises de jalousie qu'il fait aussi. C'est de le regarder de haut et puis te moquer de lui. De dire fuck à la jalousie. Voilà. Sûr. Et on lui fait tous un fuck ce soir, à cette jalousie de merde qui ruine nos couples et ruine nos vies. Laurine, on te fait des gros bisous. Salut ma chérie. Oui, bisous. Moi aussi, au revoir. Salut, tu m'en veux pas, Quentin, je l'ai appelé ma chérie. Alors, c'était pour. Ça va. Je te testais quand même. Merci beaucoup, Quentin. Gros bisous. De rien, allez. Bonne soirée. On rappellera Quentin et Laurine, hein, justement, pour voir s'ils suivent le chemin de la guérison. Hein. Restez avec nous sur Fun Radio, puisque dans un instant, on va parler de ceux qui ont déjà vécu des grosses crises de jalousie. On va parler de ceux qui sont déjà pris la tête pour des trucs complètement débiles. N'hésitez pas à nous appeler au 01 42 48 5000. Voici Z et Happy Now sur Fun Radio. Somewhere in the crowd. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. Z, Happy Now sur Fun Radio. De 22h à minuit. 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun sur Fun Radio. Love and Fun sur Fun Radio. Ah là là là. Franchement, dans un instant, ça va être incroyable. Oh, ça va être fou. T'es le mec, on fait des caisses, tu sais. Ouais, ouais, dans un instant, on aura une question à la con. Et autant vous dire que là, on va se régaler avec les petites questions à la con. C'est juste génial, hein. Vous savez, c'est les petites questions, en fait. Même parfois, il n'y a même pas de réponse. C'est juste la question qui est drôle. Franchement, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, il n'y a pas de mauvaise question. On parlera aussi des recherches Google, très chelou, que vous avez déjà peut-être retrouvées dans l'historique de l'un de vos proches. Ouais, ouais, j'avais déjà grillé comment faire pour que mon mec ait un corps de rêve. J'avais déjà grillé une recherche comme ça. Non, je te jure, c'est dur. Je te jure que c'est vrai. Et c'est depuis d'ailleurs, je me suis mis à la muscu et je pense que tout le monde l'a vu. Hein, ouais, ouais. Merci l'équipe. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Et même Doc se fout de ma gueule. C'est pour vous dire. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on parlera donc de ces recherches cheloues. Et c'est pas forcément que d'aller sur des sites de cul. Hein. Bah non. Ça peut être des recherches un peu insolites. D'ailleurs, on vous a sorti des recherches insolites. Je vous dis juste la première recherche qui a été trouvée, c'est comment cacher un cadavre. Hein, t'imagines le délire. Tu vois quoi. Ça, tu flippes. T'as des gens qui cherchent sur internet comment cacher un cadavre. On vous dira tout et n'hésitez pas à nous dire justement si vous avez déjà grillé des recherches Google assez chelou dans l'historique de vos proches. En attendant, on va accueillir celui qui devait passer à l'antenne hier soir. Et c'était la fin de l'émission, on n'avait plus le temps. Il est avec nous car nous tenons toujours nos promesses. Bonsoir Léo. Ouais, bonsoir toute l'équipe, ça va ou quoi? Ça va bien Léo, t'as 17 ans et t'es à Paris, alors il y avait une histoire de nude, toi, hein, tu... Eh ouais. Ah. Alors en fait, je vous explique le truc. En fait, c'est que, tu vois, genre, je suis avec ma meuf depuis, ça va faire bientôt un an et demi, ça se passe super bien et tout. Et en fait, elle m'envoie régulièrement des nudes, tu vois. Ah, génial. Et sauf que le truc, c'est que du coup, hier, je vais la voir. Mmh. Elle m'en avait pas envoyé depuis un certain moment, en fait. Et du coup, hier, je vais la voir et je lui demande... Pourquoi en fait? Et elle me dit, mais enfin, toi, tu m'en envoies jamais. Et du coup, c'était ça ma question. C'était, ben, en fait, j'ai pas d'idée de quoi lui envoyer parce que, genre, enfin, tu vois, je suis pas gros, je suis plutôt fin, j'ai pas d'abdos, enfin, même une top, c'est pas joli, quoi. Donc, je sais pas quoi lui envoyer. Je suis d'accord. Mais elle sait, non? De quoi? Elle doit savoir ce qu'elle a envie de que tu lui envoies. Ouais, mais je n'ai jamais vraiment demandé, elle m'a jamais dit, mais enfin vraiment, du coup, pour le coup, hier, elle m'a pris un peu par surprise et je savais pas quoi lui répondre, voilà. De toute façon, c'est toi qu'elle aime, comme t'es, que tu sois mince, fin, gros, petit, on s'en fiche, c'est toi qu'elle aime, donc elle a envie juste d'avoir des photos de toi dénudée. Donc vas-y, tu te mets devant un miroir et puis t'essayes. Ah, on sent le professionnel. Hein. On sent le mec qui a déjà fait des photos devant son miroir. Hein. Non mais Alice. Et puis tu les envoies et puis tu verras ce qu'elle va dire. Elle va dire ah bah non ça j'aime pas, j'aimerais plus ci plus ça. Puis tu corrigeras au fur et à mesure. Ou par exemple. Commence, lance-toi. Ouais. Bah, en fait le truc c'est que du coup justement j'ai jamais fait ça en fait, c'est hyper malaisant genre de me retrouver devant une glace ou quoi et tout nu envoyer des photos en fait je sais pas du tout Alors moi je vais dire pour avoir envoyé ma teub tellement de fois franchement en plus non j'ai jamais fait peut-être une fois ou deux mais j'ai toujours eu non parce que tu sais moi si je le faisais de Snapchat genre Karel ou de Fun Radio et tout machin après tu fais un petit screen et tout et puis hop ça se retrouve hein. C'est comme ça que j'ai trouvé des photos d'Alice nue. Hein, bien sûr, j'ai fait la recherche Google. Non mais Alice, vous attendez quoi et je poserai la question aussi à Méloche là au standard. Mais vous attendez quoi d'un nude d'un mec? C'est quoi? C'est des abdos? C'est une tub en érection? Bah déjà, je parle pas au nom de toutes les femmes parce que je pense que ça dépend vraiment des filles. Mais je rejoins Léo quand Léo disait ouais, envoyer une tub et tout, c'est moche, c'est nul. Je te comprends Léo, mais t'envoies pas une tub, t'envoies ta tub. Et ta tub, elle la connaît. Elle a l'habitude, mais non, mais c'est vrai. Elle a l'habitude de la voir, et c'est ça aussi qui l'excite, tu vois. Moi, concrètement, j'ai déjà reçu des photos de top que je connaissais pas, ça me faisait flipper. Et un jour, j'ai reçu une sorte de boomerang de début de masturbation de mon mec. Donc, je vous laisse visualiser le truc. Non mais c'est vrai, un boomerang de trucs sans fin. Tu vois, tu dis oh putain. Et franchement, je m'attendais pas à trouver ça hyper excitant, quoi. Mais en fait, bah c'était le cas. J'ai trouvé ça vachement excitant parce que c'était mon mec, parce qu'on avait une relation assez particulière, tous les deux, quoi. Et je pense que c'est pas que les photos, pas que les vidéos, mais c'est aussi les mots que tu vas employer dans les messages que tu lui envoies. Et ouais. Ça peut. Ça, c'est ma bite. Ça peut. Mais non, mais ça peut aider à l'exciter. Mais je pense que tu sais, même ce qui est assez excitant, c'est genre voir le bas-ventre d'un mec avec la naissance où tu vois pas ce qui va, tu vois pas exactement la teub, mais ouais, tu sais. De suggérer un peu, voilà. C'est à peu près ça, tu vois. Exactement. Et ça peut l'exciter. Okay. À la limite, tu mets même une main à l'intérieur de ton pantalon et on voit que t'es en train de faire un truc, quoi. Et ouais. Ça peut être excitant. C'est pas obligé que ce soit de la nudité frontale non plus, hein. Ça peut être un peu habillé, ça peut être t'es en train de te dénuder, ça peut être t'enlèves juste ton t-shirt. Ça, pour le coup, ça me gêne assez. Je suis quelqu'un d'assez, de plutôt pudique, en fait. Donc, tout ce qui est nudité frontale, en fait, j'arrive pas. Bah, commence pas par ça. Ouais, commence pas par ça. Tu y arriveras plus tard. Tu fais juste une photo de toi qui soulève ton t-shirt. Tu vois, pas plus que ça. Ouais, c'est nul. Ah, ben, il faut bien qu'il commence quelque part. Il faut qu'il fasse son t-shirt. Il l'a jamais fait. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Et puis, c'est tout. Elle peut être capable de le comprendre. Tu lui dis, écoute, je trouve que je peux pas être à la hauteur de tes photos sexy. Je me sens pas très à l'aise. Je me sens un peu ridicule. Du coup, si je le fais pas quelque part, elle va pas le faire aussi. Et moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ressortir de sa part, tu vois. Normal. Après, le soir, bon, voilà. Et elle a envie. Elle a envie, quoi. Parce qu'après, c'est normal. Oui. Kassim. Ouais. Moi j'envoie des photos de mon cul, mais souvent ma meuf elle me disait ouais putain pourquoi c'est noir, mais je dis bah t'es dans mon cul. Donc toi t'envoies des photos de ton cul toi. Ouais. Et ça fait fait rêver les filles. Une rondelle avec des poils elle adore quand même. Plus avec les noisettes de caca. Méloche, toi t'aimes recevoir quoi comme photo de moi de j'aime mec. Bien les petites mimoles en fait dans un caleçon comme ça je sais que je dois finir le taf en fait quand. Ah une petite mimole, mais genre on voit la teub ou on la voit oui, pas. Oui bah moulée dans le caleçon quoi. D'accord. Et la vois pas encore une fois. Tu vois, c'est suggéré tu vois le quand caleçon. Même. Ouais, voilà, ouais. Bon, bah tu sais quoi, tu fais du stuff et puis surtout tu lui demandes qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Hein, et essaye les vidéos, okay. Tu vois. À la limite les appels vidéo, les trucs comme ça, parce que c'est plus facile. Tu vois, elle est en train de faire des trucs. Mais oui, je pense que c'est plus facile parce qu'elle est en train de le faire et t'es pas genre tout seul confronté à toi-même, ton miroir, ton téléphone, en train de dire bon, en train de regarder la photo, te dire mais je vais pas envoyer ça. Tu vois, si ça se fait naturellement, que tu vois aussi sa façon de réagir, ce qui l'excite dans ce que tu vas montrer sur une vidéo, après tu pourras vachement plus facilement lui envoyer des photos de ce qui peut lui plaire. Ok, bah j'essaierai les vidéos, mais pour le coup c'est vrai que bah déjà les photos j'ai du mal, donc les vidéos je pense que ça va venir un peu après. Mais c'est ta meuf, hein, tu l'as déjà vu. En direct avec elle c'est pas la même chose non plus, tu vois. Quand t'es tout seul dans ton coin à faire une vidéo c'est une chose. Après quand tu l'as toi en webcam en direct, bon c'est autre chose. Fafa. Ah oui, mais après en direct, genre pas lui envoyer un snap vidéo ou quoi. Non c'est ça, c'est en direct, un appel. Ok. Un appel vidéo. Un appel vidéo. Ok. Ça, c'est cool. Putain, et Léo, quand même, un appel vidéo, tu sais ce que c'est, Fafa. Attends, Léo, attends, un appel vidéo, comme ça, tu commences à te chauffer un peu avec ta copine, ça, tout, c'est jamais c'est toujours sympa, tu commences par ça, et c'est comme elle disait, c'est beaucoup plus intéressant. Tu commences à voir comment ta copine elle est excitée, comment tu peux toi-même l'exciter, puis même, c'est interactif, tu peux échanger, tu peux lui dire ce qu'elle peut faire, et elle peut te dire aussi ce que tu peux faire. Vous faites des sextos déjà? Bah on se chauffe vite fait, tu vois, mais en fait la plupart du temps quand on se voit et que on passe du bon temps ensemble, c'est un peu à l'improviste, tu vois, genre c'est pas prévu, du coup on s'était pas prévenu avant, ça vient un peu au feeling quoi, donc essayez de prévoir ça, genre un petit moment tel jour samedi, si par exemple vous voyez pas, faut mettre un peu de piquant. Tu lui dis par exemple samedi rendez-vous à 16h ou 18h en fast time, toi chez toi, moi chez moi, et voilà. T'en sens l'expert, Fafa Newman. Fafa, notre auditeur du soir. Merci Fafa. Alors Léo, t'as eu plein de conseils. Moi je terminerai avec ce dernier conseil. Franchement les filles adorent ça. Fais l'hélicoptère avec ta bite. C'est ça drôle. Fait toujours kiffer les filles. Et tu la caches. Et ben voilà. Ah oui, et tu fais un vagin de femme. Carrément. Ah, c'est magnifique. D'accord Léo. Allez, on compte sur toi. Okay, ça roule. Bon, en tout cas, merci pour tous vos conseils. Tu peux. Tu peux. Allez. Merci beaucoup. Salut Léo. Bisous, ciao à toi. Ciao. Salut, gros bisous. Et dans un instant, on vous pose la question. Est-ce qu'on vous a déjà pris la tête pour un truc vraiment ridicule? On parle de jalousie, là, depuis quelques minutes sur Fun Radio. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. On va surtout faire un sexy chocolat aussi d'ici quelques minutes. Je rappelle que quand vous voulez tester la fidélité de votre mec ou de votre copine, il faut appeler Love in Fun sur Fun Radio. Voici Gaoline en attendant. C'est Moonlight dans Love in Fun. À tout de suite. Oh. polite. Get white, just drink it, you're right. Should we look good in a blue light? This person is so above my spotlight. Go out to bring it to the right. She look good in the moonlight. This person is so by my spotlight. Go out to bring it to the right. She look good in the moonlight. This person is so by my spotlight. Go out to bring it to the right. She look good in the moonlight. I'm supposed to make a song by my. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life in the testing. Taking shots with all your brethren now. Feel like I'm dead, bitch. Feel like you want to plan. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Gaoline sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit. Sur Fun Radio. Alors, on vous a posté une petite photo sur l'Instagram de Fun Radio. Magnifique photo. Oh là là, merde, ils sont beaux. Talent. Ils sont beaux. Ils font de la radio. Ah hein. On comprend mieux maintenant pourquoi ils font de la radio. Oui, venez regarder cette photo. Vous allez comprendre pourquoi on fait de la radio. Non, mais on assume tout. D'ailleurs, on est filmé tous les soirs. Vous pouvez venir nous regarder sur le site de funradio.fr, l'application Fun Radio à télécharger sur les mobiles. Et cette petite photo qu'on vous a postée sur l'Instagram de Fun Radio avec une petite question. Quel est votre signe astrologique? Et à vous de deviner qui est vierge sur la photo qu'on vous a postée. J'embrasse tous ceux qui réagissent. Il y a Lou qui nous dit qu'elle est lion. Il y a Otaku Théo qui dit « Moi, je pense que Doc est vierge ». Il y a Arthur qui dit « Pour ma part, je suis bélier ». Il y a Lilou qui est vierge et également, comme l'un d'entre nous, mais qui est-il ou qui est-elle? N'hésitez pas, en tout cas, on lit vos messages. Hein. Et d'ailleurs, on fera un petit tirage au sort parmi tous les commentaires, justement, pour vous filer un petit cadeau. Donc, n'hésitez pas, c'est participatif sur l'Instagram de Fun Radio. Là, on parle des jalousies. Alors, on va avoir des réactions de dingue, puisque parfois, c'est vrai, quand on est jaloux pour des trucs complètement débiles. Bonsoir, Matt. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Matt est nancéen, il a 26 ans. Et Matt a une copine? Non. Ah, ça a l'air de te faire chier. Non. Non, t'es mieux seul que mal accompagné, c'est ça? Cette heure-ci, oui. Ah, cette heure-ci, oui. Mais ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait un an et demi. Et là, j'ai l'impression que t'es posé avec un cigare, un petit verre de whisky et que t'es à poil sur un canapé. Ah non. Pas du tout, non, parce que je travaillais du matin. D'accord. Pour ça, je suis un peu fatigué. Un peu fatigué. Ce serait génial que tu t'endormes pendant qu'on parle. Ce serait super. T'imagines le mec, on l'entend plus. Matt, alors raconte-nous ton histoire de jalousie. Toi, qu'est-ce que t'as vécu, Matt? Alors moi, c'était mon ex qui qui m'empêchait d'aller aux entraînements de foot. Ah bon, pourquoi? Bah, elle croyait que j'allais voir ailleurs, tout simplement. D'accord. C'est fou. Et du coup, bah, on s'engueulait, et puis des fois, ça terminait qu'elle fermait la porte à clé, qu'elle cachait la clé pour pas que j'y aille. Elle cachait la clé pour pas que tu puisses sortir de chez toi, c'est ça? Ouais. Putain. Chez nous, quoi. Et donc, toi, tu te retrouvais bloqué chez toi, mais t'avais juste à ouvrir une fenêtre? Ça va être difficile au troisième étage. Ah, oui, bon, d'accord. Et alors, toi, t'avais pas la clé? Non. Donc, tu étais enfermé, tu sais, comme quand t'es un petit enfant, quoi, tu vois. Genre, c'est tes parents qui t'enferment, quoi. Donc, ta meuf t'enfermait chez toi, quoi. Ouais, carrément, ouais. D'accord. Combien de temps ça a tenu, ça? 5 ans. Ah, quand même? Elle t'a empêché d'aller au foot pendant 5 ans? Non, pas pendant 5 ans, mais pendant. J'avais repris pendant 2 ans. Et t'as fini par la tromper ou pas? Non. D'accord, mais t'as arrêté. Mais par la quitter peut-être. Ouais, voilà. Ouais, je l'ai quitté. Quoi. À cause D'accord. de ça? Il y a ça, mais il n'y avait pas que ça aussi. Mélanie est avec nous sur Fun Radio. Bonsoir Mélanie, on prend un maximum de réactions. Salut. Ouais, Mélanie? Ouais. Ouais, ça va Mélanie? Salut. Ça va. Ça va, ouais. T'as 2 secondes pour nous? Ouais, y a pas de soucis. Non, on sent tes speed et tout. Attendez les gars, je suis en train de faire un petit ménage chez moi. J'ai pas eu le temps de la journée. Hein, et entre l'aspirateur et la douche à nettoyer. Alors Mélanie, ouais. Raconte-nous un petit peu, toi, si t'as déjà vécu des moments un peu de jalousie extrême. Ouais, mon ex était très très spécial. Il faisait des crises de jalousie pour un oui, pour un non. Mon ex n'avait pas le droit de le contacter, sinon il menaçait de le défoncer. C'était ça, j'avais pas le droit de sortir même avec ma sœur. Si je disais que je voulais sortir avec ma sœur, il me faisait une crise parce que pour lui, toutes les soirées devaient se faire avec lui. D'accord. Et le pire qu'il m'a fait, c'est quand j'ai dû aller à l'enterrement d'un membre de ma famille. Ouais. Et il m'a fait une crise parce qu'il ne pouvait pas venir avec moi. Mais une crise pas possible où il s'est menacé de se taillader parce que j'avais dit que j'irais quoi qu'il arrive. Mais attends, là je comprends pas parce que t'allais à un enterrement, donc c'est un truc un peu familial, donc tu convies pas forcément ton petit ami, c'est pas obligatoire. Et là il t'a fait une crise pour ça? Je comprends pas. Ouais. Il n'était pas jaloux que tu rencontres quelqu'un d'autre là, c'était encore autre chose. Non, là c'était parce que lui il considérait qu'il fallait que je fasse tout avec lui. Et que si je ne l'emmenais pas à l'enterrement, il voulait être considéré comme de la famille, donc il fallait qu'il vienne avec moi absolument. Ok. C'est ne pas le considérer. Si tu ne l'emmènes pas avec toi, ça veut dire qu'il n'a pas de place, qu'il n'est rien pour toi, qu'il ne compte pas. C'est ça. Et tu t'es sentie en prison ou pas, Mélanie, franchement? Ouais, un peu. Et comment tu as fini par accepter ça? Parce que finalement, tu acceptais le truc. Moi, je l'aimais. Ouais, non, mais ça, c'est des conneries, ça. L'enterrement, tu y es allé quand même? J'espère. Ouais, l'enterrement, j'y suis allé quand même, mais il fallait que je l'appelle le soir pour qu'il entende ma voix, qu'il s'endorme. Il fallait que je garde le téléphone jusqu'à ce que je m'endorme au téléphone avec lui. Ah oui. Alors, Alice, je suis sûr que ça pourrait jamais t'arriver, ça. Ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrivera plus. D'accord, bah vas-y, raconte-nous pourquoi ça t'arrivera plus, pourquoi ça t'est arrivé. Bah, ça m'est arrivé lors de ma première relation. J'avais un mec qui était hyper jaloux et tout. Et puis, parfois, t'as la sensation, surtout au début, naïvement, tu penses que plus la personne est jalouse et possessive, plus elle t'aime. Tu vois, donc tu laisses faire les choses. Et puis après, tu te rends compte que tu te bouffes la vie pour quelqu'un qui finalement ne montre pas que. Enfin, je veux dire, c'est pas aimer quelqu'un que de l'emprisonner comme c'est ça. C'est s'aimer. C'est ça. C'est être à fond sur soi-même et juste vouloir avoir le contrôle de l'autre. Et donc, je me suis un peu oublié à cause de cette personne. Et donc, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais plus jamais. Et une fois, j'ai rencontré un mec qui m'a tapé une espèce de phase à une soirée. On était tous les deux, on matait un film. Et je sais plus ce que c'était le film, mais il y avait des mecs torse nu. Et direct, le mec commence à me dire, ah, mais voilà comment tu les mates, tu kiffes, hein, c'est ça, ça te plaît? Et là, je dis, oula, mon gars. Écoute, je vais te, bonne soirée, quoi. Tu vois, c'est comme le genre de, j'avais un de mes bons potes qui a quitté une fille parce qu'elle lui tapait une crise de jalousie s'il regardait même la pub Vénus rasoir à la télé. Tu sais, où tu vois les nanas qui s'épilent les jambes. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est une super pub quand même. Mais tu vois, tu n'as plus le droit de regarder Miss France quand t'es un mec. Tu n'as plus le droit de regarder. Non, mais tu vois, c'est ça. Tu peux plus regarder des programmes télé juste parce que la personne a un souci avec son corps, quoi. Tu vois. Mais c'est hyper intéressant. T'entends tout ça, Mélanie, hein? Ouais, bah ouais, mais moi c'était pareil, hein. Je pouvais pas, si j'avais le malheur de dire qu'un acteur était pas mal, il m'en lançait des regards assassins, quoi. Ah ouais. Oui, ça vient le remettre sur le manque de confiance en lui qu'il a, sur l'estime qu'il a de lui-même, en disant, évidemment que c'est toi qui l'estime pas, bien sûr, mais... C'est ça, mais à la fin, il est quand même parti avec une autre, quoi. Ah, salaud. Putain, j'en déconne. Mais c'est souvent ça, les jaloux. C'est-à-dire, ils sont tellement persuadés que l'autre va nous tromper ou partir avec quelqu'un ou quitter que finalement, c'est eux qui le font le premier. Ouais, alors franchement, on va pas se mentir, on a tous une petite dose de jalousie. Bien sûr. Oui, moi je sais que je suis un peu jaloux des fois. Si, Coco, du standard. Si, Coco. Ah, mais il y a jaloux et jaloux. Non mais bah, tu me connais bien Mélanie, c'est pour ça que tu dis ça. Hein, il y a jaloux et jaloux, c'est vrai. Il y a la petite jalousie comme ça, hein, traîne avec ce mec. Merde. Hein, et puis t'y penses une fois, deux fois, trois fois, et puis voilà, tu laisses courir parce que tu fais confiance. Puis il y a la jalousie où effectivement bah tu peux même pas sortir. Mais souvent j'ai l'impression que quand on est en couple avec quelqu'un, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est leur propriété. Mmh. Genre comme s'ils avaient acheté une maison, quoi, tu vois. Et, c'est ça. Et tu rentres une cage avec un bel oiseau dedans. Ouais, c'est ça. Sauf que non, en fait la personne ne nous appartiendra jamais et elle peut partir quand elle veut. Hein, n'est-ce pas Kassim? Ah oui, mais moi j'ai mis du barbelé autour de ma meuf. Hein. Okay. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça qu'elle veut partir. Hein. Je te le dis quand même, hein, Kassim. Okay. Attends-toi à avoir une mauvaise nouvelle dans les prochains jours. J'en ai discuté avec ta chérie. Ah merde. Jérémy est avec nous. Bonsoir Jérémy. Ouais, l'équipe, ça va ou quoi? Ouais. Jérémy, 21 ans, Quimper, Bretagne. Ouais. Voilà. C'est ça exactement. Le feu, quoi. Et alors ouais, Jérémy. Le feu, on l'aime toujours. Il y a pas beaucoup de jalousie en Bretagne. On a tous confiance en nous. Ça dépend, franchement, ça dépend. Tu sais pas sur quoi t'attendre des fois. Vas-y, raconte-nous toi. Bah ça tombe bien que tu rebondisses là sur les trucs de télé et tout, parce que moi ça concerne ça justement. En gros, si tu veux, je regardais, je sais pas si tu vois Esprit Criminel. Esprit Criminel, ouais, bien sûr. Hein. Ouais, bah en fait, genre je dis juste avec mon ex, c'est mon ex maintenant, je l'ai quitté depuis, hein, c'est un bon moment. Ouais. Et genre du coup, si tu veux, on regardait ce film là et puis genre. J'ai eu d'une actrice, ouais, tu vois, elle est mignonne, quoi. Enfin, je lui dis juste, elle est mignonne. Puis elle était, ouais, mais si tu la trouves si mignonne, t'as qu'elle est là à baiser et tout. Je fais, mais non, je suis tranquille, tu vois, calme-toi. Elle fait direct, elle part en couille, la meuf. Ouais. Comment ça, elle est mignonne? Putain, tu peux pas la niquer aussi? Ouais, c'est vrai. C'était trop ça, genre, elle m'a pété un plomb pour ça, là. J'étais, ouais, calme-toi, quoi. J'ai dit, elle est jolie, hein. Ouais, et puis après, on t'interdit de regarder des séries télé, puis après, on interdit la télé, puis après, tu ne peux plus regarder les filles dans la rue. Enfin. Ouais, après, ça devient une prison, un enfer. Après, tu fais comme Doc, tu vas à des concerts de théâtre, des concerts. Non, mais tu vas au théâtre ou tu fais des concerts, Doc. Hein. Jérémy, ça s'est terminé comment cette histoire? Tu l'as quitté, c'est ça? Bah attends, déjà le truc c'est que 5 minutes après, tu vois le noir là dans la série, là, Derek Morgan, je crois. Ouais. Oui. Genre t'es là, ouais, t'as vu, il est beau aussi. Bah voilà, qu'est-ce que tu fais, ta folle, si je dis elle est jolie, et puis derrière tu me dis ça. Mais c'était de la provoque. Mais ouais, franchement. Mais vous, j'étais, ouais, c'est calme-toi quand même un moment. Mais nous les filles, on est bien pire que vous quand on est jalouse, pour le coup. Ah, c'est parce qu'on est hyper trash. C'est-à-dire que toutes les autres filles deviennent des putes, tu vois. Donc elles ont rien demandé à personne. C'est-à-dire que même tu vas te faire une soirée, enfin ton mec va faire une soirée avec des filles que tu connais très bien, même des gens de sa famille, des cousines. Ça va pas comme tu veux, t'es jalouse et là tu pètes un câble en mode, bah c'est bien, va avec toutes tes putes. Ah, tu ouais, vois. Mais non, c'est ça. Mais bien sûr. Toutes les meufs deviennent des putes et machin, et on devient vraiment dur entre nous. Hein. C'est la concurrence est rude. Vous dites, ouais, va avec ta pute. Mais ça, c'est horrible. Enfin, moi, je le dis pas personnellement, mais je l'ai entendu. Et il y a rien de tel, en fait. Finalement, pour moi, quand t'es une fille, surtout, être jalouse, parce que bon, je suis pas à la place d'un mec, donc je me prononce pas. Mais quand t'es une fille, mais ne fais pas l'erreur d'être jalouse d'autres filles, parce que ça montre que genre, oh, regarde, la meuf là, j'aurais des raisons d'être jalouse d'elle, vu comme elle est canon. Surtout pas en parler. Ne même pas lui faire penser au fait qu'il y ait d'autres filles autour. Chut, ça doit être un secret. Il ne doit pas le savoir. Non, mais c'est vrai. Petit conseil. Non, mais t'as raison, Alice. Nous, les mecs, on utilise les lunettes de soleil. C'est vrai que, dans la rue, c'est quand même magique, quoi. Vous ne nous voyez plus, les filles. Et ça, c'est vraiment fantastique. On vous sent nous regarder. Ah merde. Jérémy, gros bisous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. J'embrasse aussi Mélanie. Merci, Matt, c'est plutôt cool. Ouais, Mélanie, tu vas rajouter un truc? Non, rien. Ah bon? Je pensais que t'allais dire un truc, Mélanie. Tu veux un petit cadeau? Oh ouais, pourquoi pas. Ouais, vas-y, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas. Vas-y, allez, demande-moi un truc, je te l'offre. Un téléphone. Oh. Un téléphone. D'accord. On doit avoir un ou deux téléphones là. Ouais. Hein, Kassim. Ouais, dans le bureau là, et c'est des téléphones fixes avec le fil. Ah non, parce que Kassim, tu sais, c'est le reproducteur de cette émission, donc c'est lui qui tient les finances de l'émission, tu vois. C'est, la marque, c'est Unifi. Unifi, très bien. Je peux faire des renvois d'appels. On t'envoie et tout, un téléphone fixe Unifi de 1976. Mélanie, on te fait des gros bisous. On va t'envoyer le petit pack Love and Fun là qui fait plaisir, d'accord? Ouais, nickel. Tu raccroches pas. Et dans un instant, c'est Benjamin. Benjamin, 23 ans d'Angers, qui va nous rejoindre pour un sexy chocolat. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, l'équipe. Ça va? Ça va bien. Benjamin, on va tester la fidélité de ta copine, c'est ça? Ouais, ouais, ça fait 3 ans que je suis avec. Ça fait 1 an, elle m'a trompé. Là, j'ai un mauvais pressentiment et j'aimerais bien qu'on la fixe. Parce que là, il y a un truc qui va pas, je pense. Ok, Denis, je t'en vais lui passer un petit coup de téléphone. Sexy chocolat dans un instant. Vous restez avec nous. Et voici Bad Bunny et Drake sur Fun Radio. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía, que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah, bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Pero no santo, a tu bobo con la for y los espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y los espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high, el yerno favorito de tu mic, el casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche en recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Ya, ya. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Cuando yo te lo hacía, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Ça c'est l'auditeur du soir qui l'avait demandé, Fafa. Oui. T'as kiffé, Fafa? Ah ouais, j'étais, mais heureusement que j'étais pas dans les studios, j'étais en train de danser dans toute ma baraque. C'était quoi le son là qu'on vient d'entendre? Bad Bunny et Drake, Mia. A-t-elle vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love and Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Bravo, Fafa, t'as assuré, t'as des annonces sur Fun Radio, hein, mon Fafa. Merci, en tout cas, franchement, merci pour le son. Moi, j'ai grave kiffé. Eh ben, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, on va aider Benjamin. Benjamin qui nous rejoint dans le VinFun sur Fun Radio. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, l'équipe, ça va? Salut. Ça va. T'as 23 ans, t'es un angevin. Tu nous appelles donc d'Angers. Tu fais quoi dans la vie, toi, Benjamin? Je suis commercial itinérant. D'accord, donc pas souvent à la maison. Non, souvent 4 nuits, je découche souvent 4 nuits et de temps en temps une semaine complète, quoi. Parce que ce soir, tu fais appel au Sexy Chocolat pour tester la fidélité de ta copine. Pourquoi t'as des doutes? Raconte-nous un petit peu votre vie à tous les deux, là. Bah, il y a un an, un nouvel an, on était parti avec des amis, donc qui dit nouvel an dit fête, un peu d'alcool, voire des fois trop. Bien sûr. Et donc à la suite du nouvel an, elle m'a annoncé, je la sens un peu bizarre, je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Bah elle dit bah elle m'a annoncé qu'elle m'avait trompé. Donc on va dire faut t'avouer à moitié pardonné. Donc on a discuté. Attends Benjamin, t'as pardonné? C'est-à-dire elle t'a trompé et tout. Elle avait fait quoi concrètement? Elle avait couché avec un mec ou elle avait juste embrassé un mec? Elle avait fait quoi? Elle avait embrassé et couché, quoi, la totale. Et t'as réussi à accepter ça, toi? Bah écoute, des fois avec l'amour, on se donne une deuxième chance, quoi. D'accord. Non mais super. Oui. Bon, après elle a été honnête, elle l'a dit, donc c'est. Bien sûr. C'est ce que je me dis aussi. Donc de ce fait-là, on est reparti. Et il y a 2 mois, sur Facebook, elle a je revois une amie, c'était ma meilleure amie au lycée. Je dis, ok, si tu veux. Et depuis, je sais pas, quand je rentre le week-end, elle est toujours des excuses, elle est pas souvent là. Donc je me dis, tu fais quoi? Elle dit, on sort avec ma copine, machin. Donc, elle est louche, quoi. Questions. Elle est louche, elle est mystérieuse. Ouais. C'est mystère, comme vous dites. Alors, n'hésitez pas à nous dire comment vous le sentez, là, vous qui nous regardez là, en ce moment, puisqu'on a démarré un Facebook Live sur le Facebook de Fun Radio. Est-ce que vous pensez que la copine de Benjamin va être fidèle ou infidèle? Lâchez-vous là en commentaire hein, sur le Facebook Live de Fun Radio, n'hésitez pas. Benjamin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un petit coup de téléphone. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix, le genre de chocolat qu'on offre à son chéri. Et j'espère qu'elle va parler de toi. Juste une petite question. En fait, j'en ai deux, Benjamin. La première, c'est est-ce qu'il y a peut-être le prénom d'un mec, d'un ex, qu'elle pourrait nous citer là dans un instant? Tu penses à quelqu'un en particulier, peut-être? Bah écoute, plus ou moins, peut-être Ludovic, mais franchement, ce serait vraiment tomber de haut, quoi. C'est mais qui, bon, c'est qui Ludovic? Bah c'est un ami d'un ami. Apparemment, il traîne souvent dans les soirées aussi, mais j'en suis pas sûr. Et franchement, ça m'étonnerait, quoi. D'accord. Mais sinon, à part ça, non, pas spécialement. Ok, Benjamin. La deuxième question, c'est est-ce que tu es prêt à accepter le pire et à entendre le pire? De toute façon, c'est le deal, hein. Autant être, il y a une erreur, pas deux, donc autant le savoir tout de suite que de continuer à être avec, quoi. Elle s'appelle Cynthia, elle a 23 ans, elle est elle aussi danger, on l'appelle en direct, et c'est Denis Chon qui passe un petit coup de téléphone. Salut! putain, faut que je me concentre. Allô? Oui, je prépare la commande! Oui, allô? Oui, bonsoir, poche pas la Cynthia, s'il vous plaît. C'est elle-même. Bonsoir, j'avais pas vu l'heure. Franchement, je suis vraiment désolé. Il est déjà 23h. Ouais, mais. Non, mais vous êtes qui en fait? Enfin, il est 23h, vous m'appelez en inconnu. Oui, laissez-moi me présenter. Je vous appelle pour une bonne nouvelle, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je me présente, je suis Denis Chon. Je fais partie d'une chocolaterie qui vient d'ouvrir dans la ville d'Angers, qui s'appelle Sexy Chocolat. Et si je me permets de vous appeler à une heure aussi tardive, c'est vrai, je m'en excuse, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oui, en fait... non, mais alors je vous arrête tout de suite, ça m'intéresse pas vos conneries. Hein. Oui. Il est 23h, depuis quand une chocolaterie appelle à 23h pour démarcher auprès de ses clients? Non mais c'est n'importe quoi. Tout simplement parce que nous on fait la nocturne, voilà. La nocturne c'est jusqu'à minuit et on fait ça à partir du mardi soir jusqu'au jeudi soir. Non mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est une ânerie, c'est une connerie. On est ouvert depuis plus d'une semaine, donc forcément... écoutez, vous allez pas prendre ce petit ton-là avec moi, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que moi je vous appelle pour une bonne nouvelle, alors je peux comprendre qu'on se fasse harceler, emmerder pendant toute la journée. Oui, excusez-moi, mais il est 23h, quoi. Oui, je me suis déjà excusé par 2 fois et je vous propose justement, pour me faire pardonner, de vous faire part de votre cadeau. Oui, enfin mon cadeau qu'il va falloir que je paye plein pot, j'imagine. Il n'y a pas de cadeau à payer. On les connaît. C'est pas possible. Ça suffit. stop. Non mais alors, vous plaisantez, vous êtes commerçant et vous me parlez sur ce ton. Mais je vous parle pas sur ce ton, vous êtes très agressif. Comment vous me parlez? J'ai 10 années de sexy chocolat derrière moi. On m'a jamais parlé comme ça. On m'a jamais parlé sur ce ton. Alors moi, je vous appelle tout simplement pour vous offrir un pack chocolat à offrir à la personne de votre choix. Donc c'est quelque chose que vous n'allez pas payer. C'est quelque chose que nous prenons totalement en charge. À partir du moment où vous allez me donner le prénom de votre chérie, nous, c'est toute une machine qui se met en place. C'est-à-dire que nous allons préparer un pack chocolat pour cette personne. Vous n'aurez rien à payer, on va lui envoyer. C'est comme le concept des bouquets de fleurs. Vous appelez, vous voulez faire une plaisir à votre petite amie. En quel honneur vous offrez ça gratuitement? Enfin, c'est pour c'est se faire une première. On m'appelle à 23h pour m'offrir un coffret de chocolat. Voilà. Alors en plus, c'est un coffret chocolat érotique. Oui, je sais. On est dans le concept. Érotique. Absolument érotique. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout? Hein? Ben voilà. Alors je vous explique ce que c'est le concept. Oui, allez-y. Alors, coffret à l'intérieur. Qui dit mieux? Huile de massage au chocolat, blanc noisette au lait, savon chocolat, chocolat Pini XXL, chouquettes. C'est des chouquettes en forme de sexe. Qui dit mieux? Hein? Non mais c'est n'importe quoi, enfin de tout. Eh ben oui, eh ben c'est le concept. Ça, hein. Oui mais si tout le monde réagissait comme vous, eh ben j'aime autant vous dire que les sexy chocolats de France auraient du mal à sortir la tête de l'eau. Mm-hmm. Alors est-ce que je peux avoir un petit prénom? Est-ce que vous avez un chéri déjà pour commencer? Plus ou moins, oui. Non, parce que moi, je vous explique. Hein. Moi, c'est mon patron qui me force à rester jusqu'à minuit tous les soirs pour travailler, pour appeler des gens. Moi, je n'ai pas le choix, madame. Oui, non, mais je comprends que ce soit votre travail, mais bon, il est 23h, c'est quand même super bizarre. Non, mais j'ai compris, je suis vraiment désolé. Quoi. Mais bon, maintenant, à 23h, ça va. Hein. Je veux dire... Et surtout, ouais. Vous avez décroché. Moi, je me suis dit, je vais appeler Cynthia, je vais lui proposer de gagner un petit cadeau. Je pensais vous faire une heureuse. C'est pas ma journée. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Ah, je suis un peu sur les chakras. Non, mais il faut pas, vous inquiétez pas. Je vous écoute. C'est gentil. Ben voilà, vous faites mettez un petit peu du vôtre. Vous êtes bien aimable. Non, parce que moi, je suis à bout. Alors, moi, ce que je vais faire, Cynthia, c'est que je vais prendre le prénom de votre chéri. Vous avez un petit ami? Ouais, enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, alors, je vous dis tout de suite, hein, si c'est un plan cul, si c'est un ex à qui vous voulez, voilà, peut-être reconquérir, etc., comptez sur notre discrétion. Enfin, je veux dire, c'est la politique de base du sexy chocolat. D'accord. Mais, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, quoi. Il y a juste un petit prénom. Vous me donnerez une petite adresse et j'enverrai un petit message aussi avec, par rapport à votre relation avec la personne. D'accord. Je peux vous assurer que ça va lui faire plaisir. Il y en a quand même la valeur. Ça coûte. Si vous l'achetiez en boutique, ça coûterait. Un plan cul, genre de truc. Mais bien sûr. Mais moi, je l'envoie à tous mes plans cul. Ils sont nombreux. D'accord. Ah, mais moi, depuis que je travaille à la boutique, je mets des petits produits de côté, quoi. Et franchement, c'est super. Je veux dire, si vous voulez pimenter un petit peu vos relations. Faut quand même que je sois sûr que ça laisse pas de traces, quoi. Enfin, parce que bon. Mais il y aura pas de traces. Je suis encore officiellement en couple. Du chocolat. Même si. Bon, alors, donc, en ce moment, alors, j'essaye de cerner. En ce moment, vous avez quelqu'un officiel et vous avez quelqu'un sous le coude, comme on dit. Hein, peut-être une personne en ce moment que vous essayez peut-être de draguer. Ouais, on peut dire ça. C'est quoi, c'est un plan cul, c'est... Ouais, plutôt, ouais. D'accord. Bon, alors, il me faudrait juste le prénom de la personne. Puis, vous allez me donner son adresse et puis je vais lui envoyer. Ça va être très discret, vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Bah, son prénom, c'est Ludovic. Ludovic. D'accord. Et Ludovic, c'est quelqu'un donc à qui je peux envoyer le pack chocolat érotique. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des rapports, tout ça, quoi. Oui. D'accord, parce que c'est important pour moi, parce que voilà, c'est pour agrémenter le coffret, quoi. Parce que je vais mettre des petites menottes, des petites choses comme ça, pour rendre un petit peu... Enfin, voilà, quoi. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ok, donc pour Ludovic, et très bien. Bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mon responsable qui va prendre tous les coordonnées de ce Ludovic, d'accord? Ok. Eh bien, je vous passe tout de suite. Merci. Non. Non mais attends, en fait c'est une blague. On est obligé de faire appel à la radio pour découvrir la vérité, quoi. Tu viens d'annoncer que en fait t'avais des rapports. Bah ouais, c'est Benjamin. Tu viens d'annoncer. Attends, c'est quoi ces conneries là? Non, c'est toi la connerie en fait. C'est toi la connerie que j'ai faite, c'est de mettre avec toi. C'est ça le deal. T'es en train d'annoncer non, à la radio. Attends, c'est quoi ces conneries? J'ai un mec au téléphone, c'est quoi, ça se passe comment là? Cynthia, t'es en direct sur Fun Radio, tu viens de te faire piéger dans le sexy chocolat. Benjamin nous a appelé ce soir pour tester ta fidélité, t'es tombé dedans, tu t'es fait griller, voilà, niqué. Ah putain. Benjamin, viens, on se voit, T'as que ça à dire, ah ouais, non, mais parler de quoi, c'est clair, c'est bon. Mais c'est ta faute aussi, t'es jamais là. Bah ouais, mais en même temps, tu savais, c'était le deal depuis le départ, j'ai un métier qui me tient à cœur, j'adore ce que je fais, forcément, ça me prend du temps parce que j'ai le grand quart Norway. Bah écoute, okay, ouais, d'accord. C'est comme ça. Ça faisait combien de temps que t'étais pas rentré? Ça fait une semaine que je t'ai pas vu. Ça fait une semaine que je t'ai pas vu, et au bout d'un moment, voilà, semaine sur semaine, c'est bon, j'en peux plus. Ouais, je sais, j'ai fait de la merde, mais... Bah de la merde, ça serait que la deuxième fois, voire peut-être plus si je suis passé à côté d'autre chose, quoi. Il y a déjà un an, là j'avais des doutes, donc je passe par Fun Radio pour ça, et en fin de compte, bah... Putain, mais tu m'affiches devant toute la France comme ça, mais franchement, écoute, c'est ce que tu mérites. Cynthia, il n'arrivait pas à parler et à communiquer avec toi, a priori. Donc voilà, à un moment donné, il a besoin effectivement de passer par un autre moyen pour avoir le cœur net. Mais moi, c'est pour toute la France, non, oui, n'importe quoi. Ça, ah bah non, oui. Non. Mais bon, voilà, faut assumer. C'est clair, c'est carré, c'est fait. Donc maintenant, vous pouvez discuter, repartir sur d'autres bases, peut-être oui, s'il le souhaite. Mais en attendant, il avait des doutes. Hein, il avait des doutes. Ah, tu l'as déjà trompé. Hein. Ses doutes étaient fondés. Donc c'est pas juste parce que quelqu'un s'en va une semaine à cause de son travail qu'on le trompe. Je veux dire, vous êtes ensemble. Normalement, ça se bâtit sur la confiance. Il y a déjà eu une erreur, voilà, à un moment donné. Oui, enfin, après, faut pas mettre tous les torts. Enfin, je sais que j'ai mes torts. De toute façon, là, arrivé à ce stade, j'ai plus trop le choix. Mais y a pas de moi qui est fautif, quoi. Enfin, je sais que j'ai fait la grosse connerie, mais tout vient pas de moi, quoi. Ah, mais c'est une discussion à avoir entre vous deux. Devant la France entière, sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Bah oui. Sondé le soir. C'est ça. C'est la signature de la radio. Alors, Cynthia, ce qui va se passer là, c'est que on va te repasser un petit peu Benjamin. En antenne, si t'es d'accord, bien sûr. Oui, il faut parler là. Puissiez parler un petit peu. Ah, j'ai vu Alice qui était un petit peu choquée par ce que tu disais quand même, Cynthia. Bah, choquée par le tout, par la façon de réagir de Cynthia, mais en même temps, je peux comprendre. Tu t'attends jamais, et puis on peut pas. Enfin, c'est sûr qu'on culpabilise toujours vraiment la personne qui a été infidèle, mais on connaît pas tout le reste de l'histoire. Ouais, et j'imagine aussi, hein, que même en tant que personne infidèle, enfin les gens qui ont trompé, ils méritent pas la peine de mort non plus, quoi. Je veux dire, donc il y a un moment, j'imagine que même en tant que personne, infidèle, ça doit être hyper brutal. On voyait bien que tu t'assurais de faire en sorte que ce soit anonyme. Donc on s'est dit, quand elle va apprendre, elle va péter un câble. On comprend ta réaction, mais maintenant c'est vrai que voilà, il faut prendre des pincettes. Faut pas le culpabiliser en lui disant c'est ta faute, t'étais pas là parce que tu passais trop de temps sur ton boulot. Faut essayer de relativiser tous les deux, de parler. À mon avis, c'est sûr que ça va pas continuer tous les deux, parce que de toute façon Benjamin, il avait déjà des doutes et il voulait que ça s'arrête. Donc voilà, maintenant il faut vraiment parler ensemble, mais ne vous manquez pas de respect, ça sert plus à rien, surtout maintenant que vous en êtes arrivé là. Et puis vous apprendrez pour les prochaines. Oui, Benjamin. Ouais, j'ai le manque de respect déjà fait. Hein. De toute façon, de ce qu'elle, qui lui attend, c'est son sac, elle peut venir chercher. Et voilà, quoi. Enfin, discuter de quoi. Ouais, c'est, ça va être un peu compliqué. Elle va avoir des torts. Enfin, vous discuterez de ça tous les deux. Trop travailler, ça va être un tort. Ouais, okay, bon. Alors, Cynthia, Benjamin, parce que là après, je sens que ça a monté, et je pense que là, ça, vous allez bien vous prendre la tête là, Benjamin, avec Cynthia, et en même temps, c'est peut-être ce qu'il fallait aussi pour, je veux dire, soit décider de continuer, soit décider d'arrêter. Benjamin, on te souhaite bon courage. On prendra tes nouvelles aussi très bientôt, d'accord? Non, merci l'équipe en tout cas, merci bon, à vous. Et tiens, avoir toutes les réactions là sur le Facebook Live qu'on a lancé. Il y en a plein qui te soutiennent, hein, Benjamin. Ouais, pas facile. Ouais, bah, merci à tout le monde. Il y a pas de problème. Salut à toi, Benjamin. Salut. Bonne soirée l'équipe. Salut, gros bisous. Salut. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va se faire un examen là sur Fun Radio avec un nouveau diplôme à gagner. Il y aura 6 nouvelles questions. Vous aussi, vous pourrez jouer de l'autre côté de la radio. Thibaut sera là, 22 ans de Rodez, et Thomas, 17 ans de Fontainebleau. Bonsoir les amis. Salut. Salut. Hey, salut les gars. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud pour l'examen? Ouais, bien sûr. C'est dans un instant et voici The Chainsmokers Side Effects dans 3 minutes, à tout de suite. Suivez Loving Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. The Chainsmokers. Lost Frequencies. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Sur Fun Radio. Bonsoir et bienvenue dans Qui veut gagner son examen Love in Fun. Qui veut gagner son diplôme, bien sûr, avec Thibaut, notre candidat, 22 ans de Rodez. Bonsoir Thibaut. Hey, comment ça va? Ça va. Salut. Bien. Et Thibaut ce soir sera opposé à Thomas, 17 ans de Fontainebleau. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ça va l'équipe? Salut. Salut les gars. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ce soir sur Fun Radio? pour gagner le diplôme. Hein. Bah bien sûr, le diplôme Love in Fun avec le super méga gigapack Love in Fun qu'on vous envoie aussi à l'intérieur. C'est Alice qui prépare personnellement ce pack. Et je sais que de temps en temps, elle glisse une petite culotte. Voilà. Ah, n'hésitez pas. Et c'est généralement une petite culotte de super-héros. Hein, oui, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Ah, voilà. Ça fait plaisir ou pas? Bah oui. Ah, ben oui. Eh ben voilà. Alors, je rappelle les règles du jeu, elles sont très simples. Il n'y a pas d'appel à un ami. Il n'y a pas de 50-50, il y a juste des réponses et un buzzer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Thibaut, quel sera ton buzzer ce soir? Aligot. Ah, pourquoi? Parce que c'est une spécialité aveyronnaise. Bien sûr, et qui consiste à manger quoi? Oh, les aveyronnais vont me tuer si je dis ça, mais pour faire simple, c'est de la purée avec du fromage et de la crème fraîche. Tu vas te faire défoncer, mon gars. Des brousses. Ah, Doc, tu connais, toi? Oui, oui, très bien. Ah, bien sûr, la Ligo. Bah, j'ai fait mes études en Midi-Pyrénées. Donc, c'est vrai, c'est vrai, Doc. Alors, Thomas, toi, ce sera quoi ton... Moi, ton c'est petit... tacos. Tacos. Ah bah ça, tout le monde connaît. Ouais. Ah, ça, c'est plus facile. Ah oui. Tacos face à Aligo, Thibaut face à Thomas. On y va. Top, c'est parti. Top à la question. En moyenne, combien de partenaires sexuels une femme aura dans sa vie? 3 propositions. 3, 7 ou 11. Et attention, Méloche ne fait pas partie, Méloche du standard ne fait pas partie de ce sondage, puisque Méloche n'a pas eu de rapport sexuel depuis plus de 500 jours, hein, je le rappelle. Alors, combien les gars? 3, 7 ou 11? Allez go, tacos. Vas-y, vas-y, Thibaut. 7. Très bonne réponse. C'est 7, ce sont les derniers chiffres. Hein, et à titre de comparaison, les hommes auraient 11 partenaires sexuels durant toute leur vie. Voilà. Voilà. Et il y a 25 ans, c'était 3. Et donc, petit à petit, les femmes nous rattrapent. Ah ouais, carrément. Alors que les hommes, ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. Ah voilà. Et bah, 7 partenaires sexuels, c'est pas mal quand même. Vrai ou faux, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les jeunes hommes d'une tribu ont comme habitude de boire le sperme de leur aîné pour devenir un homme aux yeux de la communauté. Tacos. Allez, go. On t'écoute pour le tacos, c'est vrai. Thomas. C'est vrai. Eh oui, c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, Kassim, il va falloir qu'on s'organise parce que Coco du Standard est en train de devenir un homme. Ah. Donc on va lui préparer une petite bolée. Ah bah oui, j'en ai plein les couilles du sperme. Ah, Kassim. Et ça fait trois jours que Doc ne s'est pas masturbé. Ah, oui. Hein, donc voilà, il en a en réserve. Ah, oui. J'aime bien parce qu'on parle de Coco, le mec est pas là. Hein. Le mec est pas là, ça fait plaisir. Sur 100 femmes, combien d'entre elles ont un orgasme lors de leur première fois? 5, 10 ou 20? Aligo. Aligo. Thibaut. 10. Mauvaise réponse, Thomas. 5. 5%, absolument. 5% seulement. Mais comment c'est possible ça, Doc? Mais... Seulement 5%? Bah, du premier coup, le premier rapport, c'est pas évident. Hein. C'est vrai que la première fois, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Hein. C'est pas toujours la meilleure pour le mec non plus quand c'est sa première fois. Voilà, la première fois, c'est... Toi, Alice, première fois, t'avais un orgasme ou pas? Non, j'ai pas eu d'orgasme la première pénétration. Par contre, j'ai eu un orgasme au premier préliminaire. Mais genre, la première fois qu'on m'a doigté, et c'est la première et seule fois que j'ai eu un orgasme avec doigtage. Très belle anecdote de doigtage. Non, mais c'est vrai, Alice. C'est parce que c'est l'excitation qui a fait que. Enfin, bah, elle a pris le dessus sur vraiment ce que le mec faisait, parce que c'était pas top. Hein. Ah ouais, non, mais voilà, parfois, un doigté vaut mieux qu'une péné. Oui, enfin, oui. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Laquelle de ces villes n'existe pas? Est-ce que c'est Ajax City, Sainte-Verge ou Beach? Aligos. C'est génial cette question. C'est Thibaut de Rodez. La première réponse. Ajax City? Ouais. Bonne réponse, oui. Ajax City, ça n'existe pas. Alors, Sainte-Verge, c'est dans les Deux-Sèvres, dans le 79. Et Beach, c'est dans la Moselle, les amis. Voilà, on salue tous les habitants de Sainte-Verge et de Beach qui ne nous écoutent peut-être pas. Vrai ou faux, une femme a porté plainte contre son ex parce que son pénis était trop long. Aligo. Waouh, presque en même temps, les amis, là. C'est chaud, hein. Aligo, quand même. Aligo, nous dit notre expert, notre huissier de justice. Thibaut. Vrai. Bonne réponse. Une femme a porté plainte contre son ex parce que son pénis était trop long. C'est vrai, elle affirme ne plus prendre de plaisir avec d'autres hommes depuis avoir été en couple avec son ex qui avait un pénis beaucoup trop long. C'est vrai ça, putain, on peut être focalisé comme ça sur un pénis qu'on a rencontré dans sa vie. Toi, Alice, ça t'est arrivé, toi? En fait, non, moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est surtout que elle est persuadée qu'il lui a déformé le vagin parce que son pénis était trop long et que maintenant, c'est à cause de lui qu'elle peut plus avoir d'orgasme, quoi. Mais bon, on se focalise pas sur des pénis ou quoi que ce soit, mais plutôt sur, des échanges, quoi. Avec certaines personnes, c'était meilleur qu'avec d'autres. Et la taille n'a pas vraiment, vraiment de rapport. Enfin, surtout que le vagin s'adapte, donc normalement, après, c'est pas la question du pénis, savoir s'il est plus long, plus court. Bon, voilà. C'est plutôt les compétences érotiques, mais bon. Alors, on en est où au niveau des scores? Alors, 3 pour Thibaut et 2 pour Thomas. Il reste une question. Il y a peut-être une égalité qui est possible. Vous êtes prêts? Ouais. Combien de temps a duré le dernier rapport sexuel de Kassim? 3 propositions. 7 secondes, 7 minutes ou 7 heures? Tacos. Digo. Tacos, Thomas. 7 secondes. Très bonne réponse. Oh, oui, bravo. Merci. Égalité parfaite. Égalité. Oh là là, égalité, vous savez, quel suspense. Musique de suspense. Ah, je suis pas. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ces 7 secondes, puisque Kassim nous a raconté ça en arrivant tout à l'heure à la radio. Il nous a dit: oh putain, je sais pas ce qui m'est arrivé hier, j'ai joui en 7 secondes. Ouais, c'était un record. Non, et qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Oui, de temps en temps, ça arrive quand ça fait longtemps que t'as pas baisé, tu jutes assez vite, parce que t'as de la ressource, quoi. Voilà, pensez pour ta chérie qui a subi 7 secondes de harcèlement. Alors, on y va. Bah non, je sais qu'elle est consentante, bien évidemment, puisque c'est ta chérie. On y va pour cette nouvelle question, une question histoire. Qui était le roi soleil? 3 propositions. Aligo. Attention, Aligo. Ouais, mais vu que attention, j'ai dit 3 propositions. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Tacos. Aligo. Thomas. Louis XIV. Bravo, Thomas, c'est gagné. Putain, quelle émotion. J'étais à fond dedans. Franchement, t'as Thibaut. Allez, qu'est-ce t'as foutu, Thibaut? Putain, tu l'avais, Thibaut. Oui, mais t'as pas été assez rapide. Fallait attendre les 3 propositions. Je l'avais dit. Bon, c'est pas grave, Thibaut. Thibaut, tu redoubles ce soir. Il a dit, c'est comme Kassim, il a été trop rapide. Bien sûr, ça arrive. Thibaut, tu redoubles ce soir. Thomas, tu gagnes ton diplôme. Bravo, mon Thomas. Bravo. Merci, c'est cool. C'est comme s'il avait son bac. C'est ça qui est génial. Putain, super, je l'ai eu enfin. Deux fois, j'ai redoublé. Et ben là, ça y est, c'est pour toi, mon Thomas. Félicitations à toi et Thibaut. Tu redoubles, mais tu reviens quand tu veux pour participer à l'examen. D'accord? T'inquiète, pas de problème. Salut, mon poteau. Salut, les gars. Salut. Je peux passer une petite dédicace? Ah, vas-y, Thomas, bien sûr. Une petite dédicace à Lucas et Jade, la famille et ma copine. Ah ben voilà, la famille, on l'embrasse. La famille Fun Radio, la famille Love in Fun. Et ta famille. Merci à toi. Salut Thomas. Salut les gars. Allez, salut. Reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va revenir avec Loïc, 21 ans d'Avignon. Bonsoir Loïc. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Loïc, t'appelles pour quoi toi? En fait, j'ai rencontré un gars et il veut que je me tape sa meuf. Ouais, je sais, mais je t'avais dit de pas appeler. Non, parce que tu comprends, quoi. Bon, écoute Loïc, on va en parler dans un instant sur Fun Radio. Et voici le Chainsmokers Side Effects sur Fun Radio. It's 4 a.m. I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home, yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows. mom, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of the line. Time should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of the line. Ooh, you're all that I am. No good at giving you up. Come on and give me some love tonight, yeah. Ooh, you're all that I am. Thank you. Chainsmokers sur Fun Radio et Side Effects. Love you, love you. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio et vous le savez, ici c'est quand même une grande famille. Ah oui, on est là tous les soirs avec vous. Ah ouais, c'est la famille. Et parce que vous êtes notre famille, on forme la famille Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. On vient chez vous. On vient passer 48 heures chez vous. Enfin, pas chez vous. Vous inquiétez pas. On va pas débarquer comme ça. On va ouvrir la porte et tout. Et là, on débarque. Hey, c'est nous. On dort chez toi, machin. Non, non. On t'invite. On t'invite. Mais dans ta ville. Hein, tout frais payé. Bien sûr, c'est la nuit d'hôtel. Vous passez 48 heures avec toute l'équipe. C'est l'occasion pour nous de faire des meet-up justement pour rencontrer un maximum d'auditeurs. Mais surtout de passer 48 heures. Bah voilà. En privilégié avec vous et la personne de votre choix. Si vous voulez vous inscrire, ça se passe en message privé sur le Facebook de Love in Fun. Voilà, vous envoyez un petit message privé sur Facebook avec votre ville et votre numéro de téléphone et vous rentrez dans le tirage au sort. Alors je le dis comme ça, mais demain, on fera le tirage au sort de la ville. Ouh là là. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tirage au sort de la ville, on fera un tirage au sort de tous ceux qui habitent dans cette ville. Voilà. On fait un truc de dingue. On est organisé, hein. Ah bah, sans déconner, c'est des heures et des heures de brainstorming, hein. On discute entre nous. Et souvent, on ne compte ni sur Coco, ni sur Kassim. Voilà. Kassim Alaria et Coco du Standard sont de très mauvais conseils. On va accueillir Loïc, 21 ans d'Avignon. Bonsoir, Loïc. Ouais, salut, bonsoir. Salut, Loïc. Salut. C'est ce qu'on appelle une proposition un peu spéciale, quand même, ce qu'on t'a proposé. Tu peux nous expliquer? Ouais, bah en fait, pour expliquer vite fait... Hop. Salut Loïc, ouais. Dans le téléphone, bien, bouge pas trop. Ah, bah, je parle dans le téléphone. Hein. Oui, mais là tu bouges un petit peu, là, on entendait voilà, les femmes nues autour de toi. ouais, donc en gros, il y a 6 mois, j'ai rencontré une meuf sur Tinder, un date. Elle est venue en vacances vers chez moi, elle m'a proposé qu'on se voit. Et en gros, j'ai rencontré ses potes, dont deux qui étaient en couple, un gars et une meuf. Et c'est vrai que la meuf était très très attirante. Mmh. Bon, en fait, la meuf que j'ai date, c'était erreur sur la cam. C'était une publicité mensongère, totalement conne et un peu dégueu, tu vois. Ok, et, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour elle s'il écoute. Disons que t'avais été déçu parce qu'elle correspondait pas à tes attentes, pour être un peu plus poétique. Voilà, alors que, exactement. Voilà. Et du coup, la meuf à son pote était vraiment très charmante. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Ça fait 6 mois, j'ai plus de nouvelles. Mmh. Et son collègue m'a renvoyé un message il y a en début de semaine, là, me disant que est-ce que j'aimerais coucher avec sa nana. D'accord, mais c'est quoi le deal? C'est-à-dire, vas-y, couche avec ma meuf, mais moi, je suis là en train de vous regarder en masturbant. Ou c'est quoi? Il veut être voyeur, il veut participer lui aussi. C'est un plan à trois. Non, c'est... En fait, il veut pas participer. Il veut juste prêter sa nana comme ça. D'accord. Et lui, donc, il va mater. Je pense pas, non. Ou alors c'est soit ça, soit un plan A3 ou quelque chose. C'est... Vas-y. Et je dois aller voir vendredi midi pour faire une bouffe et pour discuter de tout ça. Mais j'ai pas envie que ça parte en vieux plan A3, quoi. Mais c'est alors franchement tout existe. Hein, ça peut être vrai. Ça peut être effectivement, je crois, que ça s'appelle le caudalisme. Le caudalisme. Voilà, pratiques donc peut-être. Tu connais bien ça, le caudalisme. Mais ça peut être ça. Mais en général, ça veut dire que le mec regarderait. Parce que c'est ça qui les excite. Et puis sinon, il y en a qui sont aussi excités par juste le fait de prêter. Ah ouais, genre je te prête leur partenaire. Meuf. Vas-y. Et ça peut être leur kiff à tous les deux, hein, à ce couple-là, en l'occurrence. Ah ben bien sûr, parce qu'il faut que les deux personnes soient d'accord, hein, parce qu'on ne force personne dans cette histoire. Tu serais capable de faire un truc comme ça, toi, Alice? Genre, t'es avec un mec et tout, il est plutôt libre, il va te dire, ça te plairait de te faire un autre mec? Bah, franchement, ça dépend. Si vraiment le mec c'est son kiff, qu'il est hyper ouvert par rapport à ça et que c'est cadré dans le sens, enfin, je me vois pas coucher avec un mec sans qu'il soit là et tout. Mais si vraiment c'est son kiff de nous regarder faire, waouh, non, je pourrais pas. Ouais, ouais. Non, mais ou alors à le faire à plusieurs. Peur. Mais peut-être que je pourrais quand même. Enfin, je pense que c'est un. Non, mais je pense que c'est un délire, quoi. C'est un kiff. Mais t'es trop généreuse. Mais à Alice. Partir du moment où il y a les conditions qui sont bien posées dans le couple, voilà. Si ouais. eux, c'est leur délire à eux, c'est quand même pas la première fois qu'on entend qu'un mec est excité par le fait d'imaginer sa copine avec un autre mec. Mais quelle horreur! Tout en sachant que bah c'est sa copine à lui et puis voilà, il y a pas d'ambiguïté entre eux, il y a la confiance règne, ce serait pas la première fois. Ah ouais, peut-être après des années de couple quoi, ouais. Pour pimenter leur vie, va savoir leur histoire, il en saura davantage quand il l'aura rencontré. Bah bien sûr, déjà Loïc fait ce repas, on va demander à Fafa ce qu'il en pense. Fafa. Oui, moi je suis toujours là. Bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord, il faudrait d'abord qu'il aille les voir le voir vendredi midi, qu'ils en discutent, ouais. Et puis il verra directement ce qui se passe. Non mais ça, on s'en fout, Fafa, c'est ce qu'on vient de dire. Mais toi, tu le feras ou pas? Ah moi, clairement, si j'étais célibataire, je l'aurais fait. Après, en fonction de mes envies, c'est-à-dire si par exemple je veux pas qu'il me regarde, voilà, enfin je dirais au monsieur, ben j'ai pas envie qu'il nous regarde, quoi. Ouais, faut voir les conditions. Monsieur, je veux pas que vous soyez là. ouais, non, mais, c'est vrai que ça paraît, en fait, grosso modo, on t'a proposé d'aller faire l'amour à une nana, quoi. Et une nana qui te plaisait plutôt pas mal, Loïc. Sauf que tu sais qu'il se passera rien d'autre que du cul parce que, voilà, elle a un mec. Peut-être que la nana dit la même chose d'ailleurs. Elle a peut-être dit, ah bah, il me plaît bien ce mec. Bon. Peut-être aussi. Bon, là, c'est. Va au rendez-vous, Loïc. Va au rendez-vous. Ouais. Si tu veux, je t'accompagne. Ouais. Si tu veux, je t'accompagne. On y va tous les deux. Ah, t'es à Avignon? Ouais, c'est ça, ouais. Je t'accompagne pas. C'est trop loin. Non, mais vraiment, vas-y. Et si c'est vendredi, on se rappelle dimanche soir. Comme ça, tu nous racontes un petit peu comment s'est passée cette entrevue. D'accord? Ouais, c'est bon, il y a aucun souci. Mais après, moi, surtout, ce que j'ai pas envie, c'est de ce que j'ai compris, ce sera leur première fois. Ouais. Qu'ils veulent essayer quelque chose comme ça. Et j'ai pas envie de foirer leur couple, tu vois, ou une connerie comme ça. Mais non, ça, c'est au pire, pas ton tu histoire. Te fais péter la gueule, hein, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça, Louis. C'est vrai. Eux deux, ça ira bien. C'est pas ton histoire, ça te regarde pas à toi. Je veux dire, ça, c'est entre eux. Si ça doit briser leur couple à cause de ça, alors que c'est eux qui veulent le faire, c'est pas ton problème. Toi, déjà, essaye de cadrer ce que toi tu veux et tu dis tes attentes à toi. Si toi, c'est ouais, moi je veux bien, mais je veux pas que le mec soit là, bah il faut que tu sois clair. Essaye de bander aussi. C'est. Non, ça c'est pas un problème, t'inquiète pas. Bien sûr, c'est ce qu'on dit, hein, mais quand on est dans une configuration différente, avec une certaine pression et peut-être un mec derrière soi en train de se masturber, peut-être que tu diras pas ça. Hein, Loïc? Attends, parce que enfin on verra ça dimanche. Hein. Moi je pense que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Tu crois? Oui. Moi je pense à un candoliste. Hein. Comment, Fafa? J'écris, je pense que c'est un couple candoliste. Candoliste, comme disait Doc. C'est un mec qui aime regarder sa partenaire se faire prendre par quelqu'un d'autre. Et donc, Fafa, c'est tu ça. Serais pas le fils de Doc? Non. Pas du tout. Pas du tout. Bah non, parce que tu sais, Doc a été un petit peu discret sur son passé. Des enfants cachés. Bien sûr. Fafa, merci beaucoup. Tu restes avec tous tes autres auditeurs du soir. Loïc, on se rappelle dimanche soir. D'accord? C'est bon, aucun problème. Dans un instant, on va parler des recherches Google, Alice. On a reçu un message de Salomé. Elle a grillé une recherche vraiment chelou dans l'historique de son mec. C'est comment convaincre ma copine de me bouffer l'anus. Du coup, elle se pose vachement de questions. On va en parler ensemble si ça vous est déjà arrivé de griller un historique assez chelou, que ce soit porno ou non, ou juste un peu, comme tu disais tout à l'heure, comment cacher un cadavre. Donc, venez nous raconter. Et j'ai une liste, franchement, elle est magnifique. Il y a des gens qui font des recherches sur Internet, sur Google et tout, et elles sont forcément répertoriées. Et au bout d'un moment, comme il y en a eu plusieurs, ça ressort. Et là, j'ai toute une liste. Vous allez halluciner. Restez avec nous. On en parle dans un instant. N'hésitez pas à nous dire si, voilà, vous aussi, vous avez déjà grillé des recherches Google assez chelous dans l'historique de l'un de vos proches. En attendant, on s'écoute Kygo. Voici Happy Now. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Should've known better, but kept on trying. And It's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on. If I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope. Go happy now sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in fun. Love in fun. Sur Fun Radio. Il le dit super vite, la voix de Fun Radio, le numéro de téléphone. Tu peux remettre le jingle, Cassie? 01 42 48 5000. Love in fun. Love in fun. Bah non, en fait, c'est moi qui ai trippé. Hein, j'avais l'impression qu'il le disait assez rapidement. Bah, merci beaucoup d'être avec nous. Excusez-moi pour ce petit instant jingle. Hein, non, mais voilà. Ah bah, on fait notre petite popote tous les soirs. Non, mais c'est vrai, on est détente. Il est 23h41. Bah, oui. On sait que tous ceux qui nous écoutent en ce moment sont également détente, sont avec nous. On a d'ailleurs une pensée pour ceux qui nous écoutent. Et en ce moment, c'est peut-être le matin. Il y en a aussi qui nous écoutent l'après-midi, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se couchent un petit peu plus tôt, voilà, peut-être avant 23h, parfois 23h30, parfois 22h30. Ben voilà, et vous nous écoutez du coup sur les applications Fun Radio ou sur le site de funfunradio.fr. On vous salue. Merci d'être avec nous sur Fun Radio. C'est toute une équipe qui vous accueille tous les soirs du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Et là, on va parler des recherches. Des recherches courantes, assez insolites, qu'on peut trouver sur Google, entre autres. Et on vous a mis à contribution. Est-ce que vous aussi, vous êtes arrivé de tomber sur un historique? Alors déjà, quelle erreur, hein, parce que je veux dire, celui qui a un historique et surtout celui qui a une chérie, il efface son historique, hein, parce que sinon, enfin voilà, le fameux contrôle MHP sur Internet Explorer. Alors, je crois que c'est Firefox. Je connaissais pas, moi. Contrôle MHP? Ouais. Non, mais comme ça, je sais. C'est navigation privée. Enfin, personne ne fouille mes historiques, tout le monde s'en fout. Eh ben, méfie-toi, Alice. Y a pas de souci. Méfie-toi. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Manon. Et alors, est-ce que quand tu vas sur Internet, tu, de temps en temps, vides ton historique? Bien sûr. Ah. On est d'accord que c'est la base. Bah oui, c'est sûr, pour ne pas se faire griller. Pas se faire griller parce qu'il peut t'arriver de faire des recherches un petit peu ou d'aller sur des sites un petit peu. Ouais, bah regarder des vidéos porno, quoi. Enfin, comme ouais. Tout le monde, hein. Bah et alors, c'est pas grave. Bah voilà. Il faut effacer l'historique parce qu'il ne faut pas se faire griller. Bah bon. Alors. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais alors ça, c'est intéressant, Doc. Mmh. Par exemple, moi, je pense que si tu veux pas foutre la merde. Dans ton couple, de temps en temps, plutôt que d'aller commencer à te justifier en disant oui, j'ai été sur un site porno, non, ça ne veut pas dire que je te trompe, etc. Autant tu supprimes, pas vu, pas pris, on s'en fout, on passe à autre chose. On regarde pas l'historique de l'autre déjà. Ah ouais, non mais Doc, tu vis dans un après, monde. Après, l'autre a le droit de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ou elle mal. Alors, c'est vrai que quand. Franchement, regarder un site internet. Bah oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais la plupart, enfin voilà, je pense hein, la plupart d'entre donner beaucoup d'importance à un truc qu'on n'a pas quand même. Bah ça, je suis bien d'accord avec toi, et c'est pour ça que quand ça nous arrive à l'antenne, on a tendance toujours à dédramatiser le truc, quoi, parce que c'est y a pas mort d'homme. Hein. Manon, toi, il t'est arrivé d'aller sur des sites, mais surtout peut-être de trouver un truc sur un historique, toi. Qu'est-ce que t'as trouvé? En fait, je pensais que mon ex me trompait. Donc j'ai été fouillée son historique, ouais. Qui n'avait pas effacé. Ouais. Et en fait, il regardait des pornos, bon, ça comme tout le monde, hein. Ouais. Mais il y avait des vidéos avec des femmes, avec des sexes d'hommes. Ah oui, dis donc, ouais. Les schmeils, ouais. Hein. Et alors, je ne sais pas le nom. Et alors? Et en fait, au début, je pensais que c'était une suggestion d'un site. Ouais. Mais non, en fait, c'était lui qui recherchait ça. D'accord. D'accord. Putain, chaud. Et il voulait, en fait, peut-être que tu utilises un sextoy avec lui, peut-être. Bah, en fait, que je l'ai réveillé, hein, pour savoir ce que c'était ces conneries. Ah ouais, ouais. T'as été perturbé direct. Ouais, bah ouais, c'est clair. Bah, on me demande s'il aime les hommes ou les femmes, finalement. Ouais. Et, Vas-y, vas-y. Et il m'a dit oh mais non, c'est une suggestion. Je sais mais non, enfin sur tes trucs c'est marqué que c'est toi qui le recherches. Et du coup il a pas voulu trop plus m'en dire. Enfin il a brisé la conversation quoi. Ah oui, mais ça peut être un fantasme aussi, hein. Peut-être qu'il a ce fantasme-là, mais qu'il reste un fantasme et qu'il a pas du tout envie de passer à l'action, mais que ça le fascine. Il y a un côté souvent fasciné. Les hommes sont assez fascinés par les transsexuels. Hein. Les chimères. Ah, c'est bizarre quand même. Oui, mais ça peut être juste une fascination. Tu regardes des images et puis ça s'arrête là. Ah ouais. C'est intéressant. Je savais pas que la plupart des hommes, Doc, étaient attirés par les. Fascinés. Il y a un côté fascinant. À moi de voir une femme avec un sexe d'homme, ça me fait peur, moi. J'ai peur pour mon cul. Non, et c'est vrai. Alice, toi, de voir par exemple un homme avec un vagin, ça te. Bah, c'est particulier, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que quand avec mon ex, il faisait des trucs, genre il cachait sa teub entre ses jambes, justement la fameuse teub cachée, ou avec les poils, t'as l'impression que ça te fait une touffa sur une vraie chatte, quoi. Bah franchement, je trouvais ça hyper perturbant et tout de suite je lui disais remontre-la moi, parce que vraiment, c'est particulier, ça serait pas spécialement mon kiff. Alors, il y a des petites recherches qui ont été faites sur Google, justement. Manon, tu vas me dire ce que t'en penses. Fafa aussi. J'en donne quelques-unes, là. Le top des recherches courantes les plus insolites sur Google, avant d'accueillir Noémie, qui va nous raconter une petite histoire, elle aussi. Il y a comment cacher un cadavre. Hein, c'est quand même inquiétant. Ça, c'est plutôt inquiétant. Il y a plusieurs personnes qui ont recherché site de rencontre pour chats. C'est génial, je trouve ça génial. Il y a des gens qui s'intéressent à cette question, le salaire d'un ninja. Voilà. Hein, il y a des gens qui veulent devenir ninja, c'est fou. Intéressant. Alors, si vous êtes habitant de Metz, hein, sachez qu'il y a des recherches Google en ce moment qui sont manger du requin sur Metz. Voilà, hein, je sais pas pourquoi. Beaucoup recherchent comment contenter une femme. Ah bah oui. Bien sûr. Hein, oui. Il faut écouter Love in Fun. Hein. Il y a aussi une recherche qui est devenir pute en 10 étapes. je vais trouver la réponse. Vous pouvez les taper, hein, vous allez voir que ce sera suggéré assez rapidement. On continue. Est-ce que le soja accélère la repousse des poils? Hein, et alors, Doc, tu peux répondre à cette question? Je vois pas le lien. Bon, voilà, a priori, il n'y a pas de lien. Il y a aussi la fameuse vidéo. Ah oui, E.T. l'extraterrestre, plus fellation, plus vidéo. Il doit y avoir une vidéo où E.T. fait une pipe à quelqu'un. Ah ouais, c'est sûr. Je ne sais pas. Ou une pipe sur E.T. Ah, peut-être. En attendant, c'est une recherche Google. On va demander à Noémie, avant de vous en donner d'autres, là. Noémie, est-ce qui lui est arrivé, toi? Bonsoir, Noémie. Bonsoir à tout le monde. Salut. Bonsoir Noémie. Alors toi, t'as trouvé une recherche, c'est toi qui l'avais faite, raconte-nous. Oui. Ah non, c'est pas moi. Donc moi, c'est mon compagnon qui l'a faite et qui m'a un petit peu surprise, parce que je n'étais pas au courant. Et en fait, il regardait comment agrandir la taille de son pénis. Ah oui, c'est courant ça. C'est une question et une angoisse récurrente et fréquente. Ben oui, alors que, je pense que c'est un petit peu de ma faute, parce que j'ai eu un ex-compagnon, un black, et puis on fait tous des a priori, enfin des sous-entendus des blacks avec leur pénis, et donc du coup, je pense qu'il a dû se mettre en tête. On t'entend très mal, ma chérie. Noémie, t'es vachement coupée, t'as pas de réseau en fait, Noémie. Ah bah attends, je me déplace un petit peu. Ouais, déplace-toi. Ouais, t'es en train de nous parler du gros sexe de ton ex. Voilà, donc je pense qu'il doit peut-être avoir un sentiment d'infériorité, ou se dire que peut-être qu'il a moins que mon ex, et du coup, voilà, il a recherché donc de petits mots, tu sais, les comprimés, les opérations, etc. J'ai dit, alors que moi, je sais pas trop comment lui dire que j'ai découvert sa recherche, donc ce que je fais, c'est que j'essaie de le rassurer, au fur et à mesure, tu sais, je lance des petits compliments, des petits machins, histoire de. Ah, tu lui dis quoi, genre, putain, belle bite, tu bandes bien, là. Nickel, vas-y, 10 sur 10, ta bite. Je te sens bien, machin, tu vois, tu vois, c'est pas anaconda, mais c'est pas un vermicelle non plus. Bah voilà, donc, c'est ça. Tant qu'il te satisfait, c'est bien, hein. Voilà, c'est ça. Mais après, pour lui dire, c'est tout. Voilà. Et puis, c'est pas terrible. Et puis, au final, avoir une normale, et puis tout va bien, quoi. Donc, c'est ouf. Ça m'a un petit peu surprise, en fait. Ah ouais, non, il s'inquiète, Mais, ouais. Et puis, tu vois, là, en attendant ce soir-là, et ben, le comble, je viens de voir sur Facebook, il y a un article là qui dit que le mec qui a la plus grosse tub, elle fait 48 cm, et comment il a réussi à l'allonger avec des poids. Ouais, mais alors c'est la personne. Il peut plus s'en servir. Alors lui, franchement. Oui, là il est handicapé pour le boulot, il peut plus bosser. Oui, parce que alors moi je suis, pour moi ça a été très très dur parce que j'étais l'ancien détenteur de ce record et pour moi ça a été très très dur d'accepter que ce soit quelqu'un qui utilise des poids, donc une méthode non naturelle. Et j'ai déjà écrit au Guinness Book des records pour que ce record du monde ne soit pas validé. Voilà, je vous tiendrai au courant des suites. De cette opération. Alors, merci Noémie. Et après, pour, je fais des trois tours de ceinture, c'est pratique. Carrément. Non, mais voilà, et ça, c'est intéressant parce que là, quand tu commences à regarder l'historique, tu fouilles dans le jardin secret, quoi. Tu sais que ton mec, il s'est dit dans sa tête, putain, t'es pas assez grosse et tout, machin. Je sais que moi, j'ai déjà fait des. C'est un intérêt, quoi. C'est un. Ah, bien sûr, mais on fait tous des recherches comme mais ça. Mais ça fait partie des inquiétudes fondamentales chez l'homme, de toute façon, déjà. De toute manière. Sans l'histoire même de ton ex, qui en a une plus grosse, ça vient souvent quand même à l'esprit de beaucoup d'hommes, cette inquiétude. Bien sûr. Alors, Fafa, Manon et Noémie, je continue la petite liste, là, on a comment vomir en arc-en-ciel, hein, une recherche Google. Hein. Mais ça, c'est avec Snapchat, ça. C'est obligé. Fumer en grande quantité dans un bus scolaire. Hein. C'est une normal. Recherche. Gastro avec mon chat. Oh. C'est trop chelou. Le blanc d'œuf est-il du sperme de coq? Voilà, ça fait partie des recherches Google. Comment rendre son frère muet? Hein, on embrasse tous les frères et sœurs. Vidéo d'un enfant remplacé par erreur contre un poulet dans le four. Ah, c'est horrible! C'est cool. Sa belle-mère. Non, mais comment tuer sa meuf sans laisser de traces? Ça fait partie des recherches. Il y a aussi une recherche qui est le string pour enfants. Oh, mais non, c'est trop chelou. Ouais. Ah là, il y a des recherches qui sont flippantes. Ah ouais. Hein, sérieux. Oui, ouais. Il y a des gens qui sont pas tranquilles. J'aime beaucoup celle-là. Pourquoi me suis-je mariée? Tu te livres à Google comme c'était une voyante, tu sais. Et enfin, le Père Noël existe-t-il vraiment? Encore, enfin, pourquoi on tout pose cette question sait, évidemment, existe. Bien évidemment, le Père Noël. D'ailleurs, on aura bientôt le Père Noël au téléphone. Ah bon? Oui, il est en Laponie là, en ce moment. Ah, bah, oui. Il a du boulot. Hein. Je l'ai eu au téléphone, t'as il carbure et tout, la reine, Madame Noël et tout. Il a même pas le temps de lui donner du plaisir. Enfin, restez bien avec nous et j'embrasse tout le monde. Manon, Noémie, vous bougez pas les amis. On vous fait des gros bisous et vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Salut Manon. Gros bisous. Salut Noémie. Au revoir. Salut, gros bisous. Et Noah va nous rejoindre sur Fun Radio, 18 ans de Paris. T'es là, Noah? Ouais, salut l'équipe. Salut Noah. On va parler de quoi avec toi, Noah? Bah, moi, j'ai envie de faire mouiller ma meuf à fond, quoi, comme un ouf. Comme un ouf, d'accord. Ok, ben on va s'occuper de ça dans un instant. Tu restes bien ici sur Fun Radio. Et là maintenant, on va écouter Rita Ora. J'adore ce son. Let You Love Me sur Fun Radio. Le nouveau Rita Ora dans Love in Fun. I should have stayed with you last night. Instead of going down to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable. That's not your fault. It gets too real. And every time I feel I sabotage it, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. Rita Ora sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. De 22h à minuit. Fun Radio. Depuis 22h en direct dans toute la France, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On va tout de suite retrouver Noah, 18 ans de Paris. T'es là, Noah ? Ouais, je suis là toujours. Salut à toi, Noah. Tu nous appelles pourquoi, toi ? Je vous appelle, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire mouiller ma meuf comme un ouf parce que je kiffe ça, quoi. Tu kiffes qu'elle mouille, donc qu'elle soit excitée, c'est ça ? C'est ça, ouais, ouais, j'aime bien. Quand j'ai fait l'amour avec d'autres meufs avant, c'était vraiment bien mouillé, quoi. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'adorais ça. D'accord. Quand je descends, on s'embrasse et tout, je descends en bas. Ouais. Et quand je vois que c'est même pas humide, mais que c'est totalement mouillé, ça m'excite de ouf, je pense. Ça me donne l'impression qu'elle est à fond et tout. Et donc. Toutes les femmes ne mouillent pas abondamment. Donc, Il y en a qui sont plus sèches que d'autres. Il y en a même certaines qui ne mouillent pas du tout et ça peut être un problème. Mais bon, ça, c'est propre à chacune. Et puis après, il y a les femmes fontaines à l'autre extrême. Oh, voilà. Magnifique. Ah ouais, ça, mais oui, mais bon, c'est la nature. Donc après, c'est aussi très fonction du niveau d'excitation. Plus elles sont excitées et plus elles mouillent. Donc il faut que tu fasses ce qui est propre pour elle à l'exciter davantage. Donc à toi de savoir qu'est-ce qui marche chez elle pour qu'elle soit plus excitée. Ok. Faut pas hésiter à parler en fait avec elle. Tu parles un peu avec ta copine ou pas toi, Noah ? Bah bof, Quand c'est pas trop mouillé, bah, je la lèche et puis après ça va mieux, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais là tu mets beaucoup de salive. Mais c'est pas forcément qu'elle mouille plus. Alice, t'en penses quoi, toi, de la question de Noah? Moi, je pense que c'est pas. Parce que t'es plus excité que tu mouilles le plus. Certes, forcément, si tu mouilles, ça veut dire qu'en général, t'es excité. Mais c'est surtout, il y a vachement aussi des positions ou des trucs qui vont faire que tu vas mouiller plus, alors que t'auras pas plus de plaisir que 5 minutes avant, mais tu seras trempé, quoi. Donc, ça dépend vraiment de plein de choses, de l'inclinaison du pénis, de là où tu touches avec tes doigts. En général, si tu as tendance à plus remonter, tu vas mouiller. Et puis, des fois, la fille mouille, mais elle a juste envie de pisser, quoi. Voilà. Mais c'est pas pour ça. Mais c'est pas pour ça que tu pisses, je dis pas ça, je dis juste que quand t'as des envies de faire pipi, quand t'as des envies comme ça, quand t'es en plein dans le feu de l'action ou quoi que ce soit, t'as tendance à mouiller davantage. Je parle pas en mode femme fontaine ou quoi que ce soit, où tu lâches tout, c'est pas du tout ce que je dis, mais je dis juste que des fois, bah, tu mouilles vachement, mais c'est pas pour ça que t'es au top du top de l'excitation et du plaisir. Des fois, tu mouilles moins et t'as plus de plaisir. Eh ouais, en fait, le débit de la mouille ne correspond pas forcément au plaisir. Bah, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas directement de rapport. Certes, si je mouille pas et si je mouille, voilà, forcément, t'es excité ou t'es pas excité. Mais en plein rapport, il y a des positions, le missionnaire ou quoi que ce soit, qui va te faire des fois plus mouiller. Et c'est pas pour ça que t'as plus de plaisir qu'avec une autre, quoi. Ah, bah, c'est pareil pour toi, Méloche. Non, mais moi, je mouille normal, quoi. Ouais, mais tu mouilles, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, c'est toujours pareil. Elle a pas écouté. Alors, Méloche, c'est ça la question. Est-ce que plus tu mouilles, plus t'es excité ou ça a pas de rapport? Des fois, genre, tu vas mouiller de ouf, mais t'es pas forcément plus excité. Alors, t'as pas de plaisir, quoi. Des fois, tu mouilles. Non, c'est avec l'excitation. Plus t'es excité, plus tu mouilles. D'accord. Okay. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que. Mais c'est ça que je disais. Je trouve que t'as certaines positions qui te font plus mouiller, alors que t'as pas forcément plus de plaisir. Mais l'inclinaison du pénis, de la façon dont ça frotte, personnellement, et c'est vrai pour en avoir parlé avec pas mal de copines, des fois, tu te mets à mouiller alors que t'es pas en plein orgasme, quoi. Oui, c'est vrai. Ça dépend où ça frotte, quoi. Mais oui. Oui, voilà. D'accord. Oh, j'adore cette petite discussion de mouilleur, là. On est bien ce soir, Noah. Tu vois, et il n'y a pas forcément de rapport non plus. Il faut surtout penser au plaisir de ta chérie. Là, tu veux le faire pour toi, en fait. Juste parce que, ouais, ça me fait kiffer quand elle mouille, parce que j'ai l'impression d'être un Apollon du sexe, quoi, tu vois. Alors que le plus important, c'est de la faire vraiment jouir et pas forcément de la faire mouiller. Bah ouais, mais ça, c'est autre chose. C'était plus un fantasme ou un. Oui, c'est ton rapport à toi-même. Parce que toi, ça te fait plaisir. Égoïste. Donc, n'oublie pas aussi son plaisir à elle dans l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Gros bisous, mon Noah. Bon, bisous, alors merci pour les conseils, Alice. C'était intéressant. Salut Noah. Vers le haut. Salut, vers le haut. Derrière le clitoris, en fait, hein, quand vous remontez les doigts et tout. Quand tu remontes vers le haut, vers le point G. Voilà, exactement. Il paraît que tu peux rendre n'importe quelle femme fontaine comme ça. Il y a plein de mecs qui le disent. Oui, quand tu stimules à cet endroit-là, il y a des femmes qui se retrouvent avec des éjaculations féminines alors qu'elles disent mais c'était la première fois. Parce que tu peux quand même faire mouiller beaucoup de femmes comme ça. Et éjaculation féminine qui est souvent accompagnée d'urine, hein. Il faut quand même le préciser, hein. C'est dit. Alors c'est Fafa qui va terminer l'émission, notre auditeur du soir. Ça va, t'as kiffé Fafa ce soir? Franchement, j'ai grave kiffé. C'était un plaisir de passer l'émission avec vous. T'as appris des trucs ou pas? Cool. T'as appris des trucs? J'ai appris énormément de choses, ouais, franchement, plein de trucs. Bah moi aussi. C'était cool. Eh ben merci beaucoup Fafa. Tu veux passer un merci petit message, vous, dire un merci truc? Merci à l'équipe. Ouais. Ben, dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu, à Jonathan de Bove, à Jocelyn, à tous mes potes de Bayonne, de tout ça. Donc voilà. Donc dédicace à tout le monde, à ma famille aussi surtout, et voilà. Ah voilà, et merci dédicace aussi à toute l'équipe surtout. Salut Fafa. Bon bisous, salut. Merci à toi. Salut mon Fafa. Bisous. Ciao, salut. Ciao. Et par contre, j'ai oublié ma question bête de tout à l'heure. Donc, ce serait possible que je revienne demain la poser? Ah, oui. À demain, Fafa. Ah, ok, voilà. Bon, bah, à demain alors. À demain. À demain. Et vous voulez pas nous quitter, en fait? Hein, tu sais, à la fin, en fait, tu peux revenir demain. Ouais. Et ben, vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. Vous êtes tous les bienvenus ici chaque soir, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Et il est le bienvenu également dès minuit. Adrien Thomas est avec nous. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Salut. Mais merci de m'accueillir. Voilà, bienvenue dans Love in Fun, Adrien. Merci beaucoup. Tu nous appelles pourquoi, Adrien? Je vous appelle pour un problème type érectile. Ah, t'as des petits problèmes d'érection en ce moment, Adrien? Alors non, justement, c'est pas de problème, c'est que c'est trop, trop souvent en fait. Ah, tu bandes matin, midi et soir? Ouais, c'est ça. Ah, tu bandes en ce moment? Quel gars en radio t'accueille comme ça pour ton émission? Bonsoir, alors tu bandes en ce moment? Mais, tu sais, on est dans l'improvisation. Mais moi, j'adore. Je ne pose que des questions. Libre à toi d'y répondre. Mais est-ce alors que oui, je n'ai pas encore de problème d'érection. Est-ce que ça t'a fait déjà bander qu'on entende ton disque sur Fun Radio par pas exemple? Pas du tout. Alors, ça m'a fait bander intellectuellement. Ah, bah voilà. Mais c'est vrai que là, il y a deux façons de bander. Voilà, il y a la façon de bander physique et la façon de bander mentale. Ah, tu vois, c'est ça, voilà. Love in Fun. Moi, je suis plus mental. Tu sais, moi, je suis un sentimental. Voilà. D'accord. Ça. Et en ce moment, ta situation, t'es célibataire, t'es, ah ouais, mais pas du tout. Mais moi, attends, moi j'ai des enfants, je suis en couple. Il a deux chiens. J'ai deux chiens, c'est vrai. Il est en chien, il est en chien en ce moment. Non, je suis pas du tout en chien, j'ai des chiens. Attention, nuance. Okay. Non, voilà. Mais... qui sont pour moi des enfants. Voilà. Mais vous remarquerez que c'est moins contraignant que des vrais enfants. Eh ben oui. Oui, c'est vrai. Ben voilà, je t'embrasse d'ailleurs, Nicky et Wally. Tu t'en es bien sorti. Bravo, en tout cas. Et ben c'est parti pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Et vous savez désormais qu'Adrien Thomas a deux chiens chez lui qui l'attendent dès 1h du matin à la fin de Party Fun. Et ça, je peux vous dire que c'est une info très importante. Très importante. Allez, salut. Salut. Allez, salut, à demain. Ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Cheers.